Alors, je présente nos deux intervenants que je remercie chaleureusement, enfin, que nous remercions chaleureusement. Sandrine Girard, hein, qui est membre du mouvement d'UNI, membre de la délégation d'Indre-et-Loire du mouvement d'UNI, hein, qui présentera, je pense, le mouvement, hein, et je pense même plus que le mouvement, bah, peut-être ton rôle, ta place, et puis... ce que vous faites ici, et Lilian Mathieu, qui est sociologue, directeur de recherche au CNRS, qui est venu de Lyon jusqu'à Tours ce soir, qui est membre de l'équipe de recherche Disposition, Pouvoir, Culture, Socialisation de l'École Normale Supérieure de Lyon, basée à l'École Normale Supérieure de Lyon. Lilian Mathieu est un spécialiste des mouvements sociaux. Il analyse la naissance de ces mouvements sociaux dans des milieux défavorisés, voire marginalisés ou stigmatisés. Et il s'intéresse à l'un de ces objets d'étude, peut-être sans doute le principal, c'est celui de la prostitution. D'où ce Café Géo, d'où votre présence ici. Alors je pense que... je leur laisse la parole. Je vous rappelle peut-être simplement les trois questions qui ont conduit un peu qui nous ont aidé à penser ce Café Géo. Et l'une des questions était: quels sont les critères de choix des lieux de la prostitution en ville? Une autre question: qu'est-ce que cela nous dit sur les évolutions urbaines, réglementaires ou culturelles de nos sociétés? La prostitution doit-elle être visible? On pourrait en ajouter d'autres, hein. Quels sont les débats publics autour de la prostitution? Qu'en disent les politiques, les associations, les prostituées elles-mêmes, eux-mêmes? Je pense que toutes ces questions, enfin, toutes ces interrogations seront évoquées, on aura des éléments de réponse. On sait aussi qu'il y a des débats entre les abolitionnistes, les réglementaristes, les prohibitionnistes, ne sont pas exactement sur les mêmes registres. On pourra peut-être aussi évoquer la question de la législation avec cette fameuse loi sur le racolage passif, votée en 2003, si je ne me trompe, appelée la loi Sarkozy, qui était alors ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce que l'on pourrait dire aussi de la criminalisation, excusez-moi, accrue de la prostitution, hein, de l'augmentation des violences, de la précarisation, de l'éviction hors des centres-villes, souvent liées à des projets d'aménagement ou sous forme de nettoyage, hein, de la prostitution, etc. Voilà. Je vous laisse la parole. Bien sûr, l'idée du Café Géo, c'est de laisser aussi le débat avec la salle, et donc... je vous en prie. Alors, on avait décidé ensemble que Lilian commençait, et puis ensuite Sandrine, si vous êtes toujours d'accord pour cette formule. Ok, donc bonsoir et merci à l'Université populaire de Tours pour l'invitation à vous rencontrer ce soir. Donc effectivement, je suis un sociologue qui s'intéresse à différents aspects de la prostitution. Par le passé, je me suis d'abord intéressé à cette activité elle-même, et notamment aux formes de sociabilité, aux formes de concurrence aussi entre les personnes qui exercent la prostitution. Je me suis également intéressé aux mouvements de prostituées, ceux qui revendiquent par exemple un statut de travailleuse du sexe. Je me suis intéressé à la prévention du sida auprès de cette population. Et puis aujourd'hui, je m'intéresse davantage au débat politique sur la prostitution, sur le statut qu'il conviendrait de lui donner, et puis aux politiques qui sont menées, appliquées en la matière, qui sont en grande partie, même si ce n'est pas l'objet principal affiché, qui sont en grande partie des politiques urbaines, ou qui ont des conséquences au niveau urbain. Et moi, je travaille à partir, en quelque sorte, d'un observatoire principal qui est la ville de Lyon, où je réside et où j'ai commencé à travailler sur la prostitution il y a 20 ans. Donc, je vais exposer les évolutions de l'inscription urbaine de la prostitution lyonnaise. Alors, c'est à la fois un cas très local, mais qui, je pense, n'est pas un cas isolé. Alors, précisément, il y a 20 ans, quand j'ai commencé à travailler sur le thème, la prostitution, elle était en train de changer déjà du point de vue de son inscription dans l'espace de la ville. C'est-à-dire qu'il y avait principalement un vieux quartier de prostitution, un quartier quartier chaud, si on veut, même si c'est pas l'appellation qui est privilégiée, qui était situé dans le centre historique et commercial de la ville. Donc pour ceux qui connaissent Lyon, c'est le nord de la Presqu'île, le nord du 2e arrondissement, où exerçaient seulement des femmes dans des petites rues assez étroites qui sont perpendiculaires au principal axe commercial de la ville, hein, la rue de la République. Donc qui étaient connues comme des rues chaudes depuis des dizaines d'années. On trouvait des prostituées, mais aussi des sex shops qui sont toujours présents, eux. Alors, ce sont des femmes qui étaient très intégrées socialement, qui exerçaient en journée et le soir. Elles attendaient leurs clients dans la rue, sur le trottoir, et elles les emmenaient dans des studios dont elles étaient les propriétaires. Mais cette prostitution était en train de disparaître dans les années 90, à la fois parce que les femmes vieillissaient et se retiraient sans être remplacées, mais aussi parce que ces rues laissaient place à de nouvelles activités, notamment des restaurants, des bars à vin, des librairies. Et du coup, ces rues de prostitution prenaient une nouvelle valeur du point de vue immobilier. Hein, ceux qui, autrefois, étaient principalement des clients qui allaient dans ces rues-là, la population à fréquenter ces rues était beaucoup plus diversifiée. Et dans le même temps, il y avait une nouvelle prostitution de femmes, mais aussi de travestis, et une prostitution essentiellement nocturne qui se développait sur les deux bords du Rhône, à proximité, mais quand même à distance de cet ancien quartier de prostitution. Alors, c'était une prostitution beaucoup plus précaire, avec notamment pas mal de personnes toxicomanes, beaucoup plus d'insécurité et de précarité, et les passes étaient réalisées dans les voitures des clients. Hein. Les quais du Rhône sont des axes de circulation importants, et les clients en voiture s'arrêtaient à hauteur des prostituées et partaient un peu plus loin pour les passes. Alors que dans le vieux quartier, c'était essentiellement des piétons, les clients. Et il existait aussi, à la même époque et d'assez longue date, une prostitution en camionnette aux entrées de la ville, dans les zones périphériques, plutôt dispersées, à proximité des grands axes routiers. Et de fait, la prostitution, progressivement, avec la déshérence du vieux quartier traditionnel, la prostitution a progressivement disparu, ou presque, de la vie sociale diurne de la ville de Lyon. Et puis, à la fin des années 90, on assiste à un nouveau changement avec une arrivée de jeunes femmes, principalement originaires des pays de l'Est, qui s'installent par groupe sur les quais du Rhône et également dans des zones résidentielles, mais cette fois en journée, en pleine journée. Et ça suscite un vif émoi parce que cette activité qui était devenue très discrète va désormais s'afficher au grand jour sur les principaux axes de circulation. Et ça a suscité d'autant plus d'émoi que ces femmes étaient jeunes et avaient la réputation d'être sous la coupe de proxénètes mafieux. Et de fait, certaines de ces jeunes femmes étaient accompagnées d'hommes armés qui ont chassé les anciennes prostituées de leurs emplacements. Alors, cette arrivée de nouvelles prostituées a causé de nouvelles nuisances, c'est-à-dire que les riverains des zones résidentielles ont eu à subir les passages incessants des clients en voiture. Il y a eu aussi le bruit des conflits entre prostituées, hein, je viens d'évoquer que ça a été souvent tendu entre les anciennes et les nouvelles venues. Et puis ces riverains ont trouvé des préservatifs usagés, des excréments en bas de chez eux, quand ils n'assistaient pas parfois directement aux passes sous leur fenêtre ou dans le hall de leur immeuble. Hein. Et du coup, certains ont commencé à se plaindre à la mairie. Alors, la première réaction de la nouvelle mairie qui a été élue en 2001, ça a été de miser sur la concertation. C'est-à-dire qu'on a mis en place une ligne d'écoute, une ligne téléphonique pour les riverains qui ont des plaintes à adresser. Et cette ligne téléphonique était gérée par Cabiria, qui est une association de lutte contre le sida destinée aux prostituées de Lyon. Et donc cette association devait servir d'intermédiaire entre les riverains et les prostituées. Mais en 2002, hein, on a eu une élection présidentielle et un nouveau ministre de l'Intérieur qui a annoncé le rétablissement du délit de racolage passif, qui avait été un délit qui existait auparavant dans le code pénal, qui avait été supprimé du code pénal en 1994, parce qu'on avait estimé que l'imprécision du délit, de sa définition, laissait trop de marge de répression arbitraire à la police. Donc c'est pour limiter un peu les pouvoirs de la police qu'on avait supprimés, et c'est pour donner ces nouveaux moyens qu'on l'a réintroduit. Alors ça a été annoncé dès le mois de mai 2002, à peine le nouveau ministre de l'Intérieur arrivé place Beauvau. Mais les maires de plusieurs villes ont pris les devants en annonçant qu'à leur tour, ils allaient interdire le racolage sur le territoire de leur ville. Ça a été principalement des maires de droite qui ont adopté de telles mesures, mais également le maire de Lyon, qui pourtant est au Parti Socialiste, et qui donc a adopté un décret municipal qui a interdit la prostitution, précisément dans le nord du deuxième arrondissement, là où étaient concentrées les prostituées. Avec notamment comme argument que ça causait des accidents sur les quais. Les automobilistes freinaient brutalement et que voilà, c'est à hauteur des prostituées que ça pouvait créer des accidents. Alors, sur le conseil des policiers municipaux, les prostituées, donc indésirables dans le nord du deuxième arrondissement, ont été dans le sud du deuxième arrondissement, qui est beaucoup moins peuplé et d'une population beaucoup plus modeste, et qui, à la différence du nord qui est centre commercial, des poumons commerciaux de la ville où il y a des cinémas, etc. Bah, le sud, lui, il est désert ou presque la nuit. Les principales institutions de cette zone sont le marché-gare et une prison. Et donc les prostituées se sont installées là. Mais entre-temps, la loi sur la sécurité intérieure et le délit de racolage passif sont entrés en vigueur. Et donc, si elles sont connues comme des prostituées, qu'elles sont visibles dans la rue, elles risquent des PV pour racolage. Du coup, elles s'équipent de camionnettes et elles s'installent dans leurs camionnettes où elles sont discrètes parce qu'elles sont dans leur véhicule à attendre le client. Elles réalisent les passes dans les camionnettes, donc elles se disent d'une certaine manière, tout va bien, on est à l'abri de la répression. Alors, avec quand même une nuance, c'est qu'un certain nombre d'entre elles n'ont pas le permis de conduire. Donc elles payent des hommes pour déplacer leur véhicule. Ces hommes qui se font payer pour rendre ces menus services tombent sous la poudre de la loi pour proxénétisme. Donc, d'une certaine manière, la loi a créé un délit, indirectement, mais pour parer au racolage, elles ont besoin de gens qui tombent sous la définition du proxénétisme. Alors, donc, elles sont beaucoup plus discrètes, mais le problème, c'est qu'elles sont nombreuses. Et sur le principal axe de circulation du sud du deuxième arrondissement, on a compté jusqu'à 200 camionnettes. Donc les prostituées elles-mêmes sont plus discrètes, mais leur activité ne l'est pas. Et puis, alors on va évidemment adopter un nouvel arrêté municipal, et on va les retrancher dans les petites rues beaucoup plus discrètes qui sont en arrière de cet axe de circulation. Mais on a des problèmes très pratiques qui se posent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de toilettes publiques. Vous avez une centaine de prostituées qui sont là toute la journée ou toute la nuit. Elles urinent dans des bouteilles qu'elles mettent dans des poubelles publiques, mais les éboueurs se plaignent que les bouteilles éclatent. Enfin, bon, des choses très pratiques, mais qui créent un problème. Et la mairie qui veut bien installer des toilettes publiques, mais qui se dit, si on installe des toilettes publiques, on relève de l'organisation de la prostitution et on risque d'être poursuivi nous-mêmes en tant qu'équipe municipale pour proxénétisme. Parce que l'organisation de la prostitution relève du proxénétisme. 2007, un nouveau préfet arrive. 2007, on a une élection présidentielle. C'est un des proches du nouveau président, l'ancien ministre de l'Intérieur, qui arrive, qui fait évacuer toutes les camionnettes par la fourrière sous l'œil des caméras. Donc, les prostituées doivent de nouveau partir, elles se rendent, traversent le Rhône, elles se rendent à Gerland, un autre quartier populaire et surtout industriel. Mais donc elles arrivent assez massivement. Mais les entreprises qui sont implantées dans le quartier se plaignent que c'est mauvais pour leur image de marque. Et donc depuis, on a plusieurs autres arrêtés municipaux qui interdisent, alors c'est pas le racolage, mais le stationnement des camionnettes qui accueillent des activités commerciales. Donc les prostituées doivent constamment se retirer dans des zones toujours plus discrètes, plus distantes du centre-ville, de l'activité où il y a un peu du passage. Elles sont toujours plus isolées et du coup elles sont davantage exposées aux agressions. Évidemment, les communes limitrophes anticipent, adoptent à leur tour des arrêtés anti-prostitution. Et donc, du coup, un certain nombre vont dans d'autres villes, vont s'installer sur des routes départementales ou nationales. Mais évidemment, elles sont plus difficiles à joindre pour les associations de travail social et de santé publique. Alors, la mairie, elle légitime sa politique en disant que il faut tenir compte des plaintes des riverains. Alors, moi, j'ai recherché les lettres des riverains. La mairie disait qu'elle en avait reçu 400. Moi, j'en ai trouvé 6 dans les archives municipales. Alors, ces lettres, ce sont surtout des entreprises qui se plaignent que la présence de prostituées, c'est mauvais pour leur image de marque. Et en plus, elles occupent des emplacements de parking qui sont réservés aux salariés. Donc, vraiment, ça va pas. Et puis, ce qui transparaît aussi dans les courriers, c'est une peur d'une espèce de contamination morale, sanitaire, d'un quartier qu'on considère comme sa propriété, hein, d'une certaine manière. Donc, contamination aussi du fait que la prostitution, c'est un univers clandestin qui est menaçant, même si c'est une menace très diffuse, qui est associée à la drogue et au grand banditisme, puisqu'on dit qu'elles sont toutes, en tout cas la plupart, les étrangères victimes de réseaux de proxénétisme mafieux. Alors, ce que les lettres disent aussi, c'est que ce sont surtout les peurs des femmes qui sont en jeu. C'est-à-dire que les femmes salariées des entreprises qui se plaignent sont dites avoir peur en traversant les parkings où séjournent les prostituées pour rejoindre leur voiture ou le métro. Parce qu'elles ont peur d'une chose assez précise, c'est d'être confondues avec des prostituées. Ce qui est craint, c'est une forme de stigmatisation indue. Ce qui est redouté, c'est de se voir attribuer par erreur une étiquette infamante, celle de prostituée. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui traversent ces quartiers, puis il y a des messieurs en voiture qui s'arrêtent à leur hauteur, qui leur demandent les tarifs, et elles ne sont pas prostituées, elles sont vexées, ou elles ont peur du fait même qu'on puisse les considérer comme des prostituées. Et donc la réponse, pour répondre à cette crainte, c'est que le quartier ne soit plus connu, identifié comme un quartier de prostitution, et pour cela, il suffit, ou en tout cas une des premières solutions, c'est d'évacuer les prostituées. Alors, cette conception, elle est tramée par le genre, c'est-à-dire que ce sont des femmes, et seulement des femmes, et en tant que femmes qui sont concernées, mais je dirais de manière complexe, puisque ça introduit une division parmi les femmes. Il y a d'un côté les femmes normales, honorables, qu'il convient de protéger contre la stigmatisation, qui ne devraient pas avoir peur dans l'espace public. Et puis, de l'autre côté, il y a les femmes prostituées, qui, elles, sont source de peur, et qui doivent être éloignées pour que les autres se sentent en sécurité. Et puis une dernière motivation de la politique de la mairie, qui n'est pas la moindre, mais qui est la plus difficile à formuler explicitement, c'est une motivation qui tient aux ambitions d'une agglomération qui prétend à une place de premier plan dans la concurrence que se livrent les grandes villes européennes pour attirer les entreprises et les populations aisées. L'éviction des prostituées, elle est indissociable d'une politique de peuplement et de gestion urbaine, qui mise sur un ajustement aux attentes d'entreprises et de couches sociales qui sont exigeantes en matière de qualité de vie, qui est une notion extrêmement importante. Alors, cet ajustement, il passe par une série d'enjeux des politiques municipales, notamment une attention aux enjeux environnementaux, le développement d'une offre culturelle conséquente, et à Lyon, effectivement, on a la Biennale de la danse, d'art contemporain, c'est aussi une ville qui a été récemment classée au patrimoine de l'UNESCO, donc c'est quelque chose d'important, la culture. Mais aussi, un des enjeux, c'est une redéfinition des problèmes de tranquillité publique en termes de sécurité. Et l'équipe municipale lyonnaise, qui est arrivée aux affaires donc en 2001, elle s'est signalée, pas seulement par la répression du racolage, mais également par la généralisation de la vidéosurveillance, par la lutte contre l'affichage sauvage ou les nuisances sonores, et puis la destruction des bidonvilles de Rome, qui sont des mesures à même de répondre aux exigences morales des familles favorisées qui sont à la pointe de ce qu'on appelle la gentrification des quartiers patrimonialisé du centre-ville. Alors, la gentrification, c'est quoi ? C'est la reconquête des anciens centres-villes qui étaient autrefois abandonnés aux couches modestes par des couches moyennes et aisées, souvent à fort capital culturel et économique, qui rénovent, pour le dire un peu caricaturalement, qui rénovent les anciens immeubles, qui font monter le prix du mètre carré de telle manière que les anciennes couches populaires doivent partir. Alors, ça a des conséquences économiques, ça a aussi des conséquences sociologiques et morales, c'est-à-dire que c'est une nouvelle population qui n'a pas les mêmes attentes en termes de sécurité, de moralité publique, et les prostituées, on va dire, n'ont pas leur place par rapport à ces attentes de moralisation de l'espace public. Et puis, je dirais, les attentes des investisseurs immobiliers ne sont pas non plus négligées. Et c'est pas anodin que la concentration des prostituées dans le sud du deuxième arrondissement, hein, dans cette zone un peu abandonnée de relégation, qui était tolérable tant que le quartier accueillait une population modeste et vieillissante. Ben, au bout d'un moment, ça n'a plus été possible, à partir du moment où on a lancé le projet Confluence, dont vous avez peut-être entendu parler, c'est-à-dire on fait de ce quartier un nouveau centre culturel, il y a un musée qui est prévu, un nouveau centre politique, il accueille déjà le nouvel hôtel de région, et un centre économique, puisque des immeubles modernistes y attendent des entreprises de pointe. Évidemment, à partir du moment où ça devient un lieu d'investissement immobilier, les prostituées n'ont plus leur place dans ce quartier. Alors, Lyon ne présente pas, une nouvelle fois, une situation exceptionnelle en regard d'autres agglomérations, qu'elles soient françaises ou étrangères. Et les géographes et sociologues urbains, notamment anglo-saxons, depuis plusieurs années, ont identifié les enjeux des politiques qui sont menées dans les grandes villes occidentales, qui toutes visent à l'expulsion des prostituées, mais pas seulement des prostituées, c'est tous les autres déviants, indésirables, des quartiers résidentiels gentrifiés, des centres-villes qui doivent être désormais prioritairement dévolus aux loisirs et à la consommation. Et je dirais que la répression de la présence visible des prostituées dans l'espace urbain s'inscrit dans le cadre idéologique de la tolérance zéro, qui envisage les menus désordres urbains comme le prélude de la grande criminalité, et qu'il faut sanctionner en conséquence. Toute la théorie de la tolérance zéro, de la vitre brisée, c'est on commence par casser des vitres, et puis on se finit grand bandit mafieux. Donc il faut sanctionner, aucune tolérance au menu incivilité. Alors parmi ces géographes et sociologues urbains, il y en a un qui s'appelle Philip Hubbard, qui est anglais, qui fait un travail que je trouve extrêmement intéressant sur ces enjeux. Et il dit que les prostituées étant décrites comme appartenant au monde du crime, réduire la visibilité du travail du sexe dans le centre-ville est le meilleur moyen pour les acteurs politiques d'afficher qu'il est disponible pour de nouveaux investissements. Alors lui dit travail du sexe, c'est une catégorie que j'emploie pas, on pourra peut-être y revenir dans le débat, mais je trouve qu'il résume très bien les enjeux de ces politiques en matière de prostitution. Et Hubbard avance ailleurs que de telles politiques sont la source d'injustice qui entrecroisent des dominations de classe et de genre. Et je l'ai dit, à Lyon comme ailleurs, la répression des prostituées elle a pour effet de contraindre à la clandestinité et d'exposer aux agressions une catégorie particulière de femmes qui sont souvent d'autant plus vulnérables qu'elles sont étrangères en situation irrégulière. Donc on les expose aux agressions au motif de protéger d'autres femmes de conditions plus favorisées et socialement mieux intégrées, de les protéger du sentiment d'insécurité qu'elles éprouvent au voisinage des zones de prostitution. Alors, de ce point de vue, et là j'aurais peut-être un désaccord avec le mouvement d'Uni, mais on est là aussi pour débattre, je crois que la solution qui est défendue dans l'espace public, dans le débat politique depuis quelque temps, d'une pénalisation des clients, je crois qu'elle aurait les mêmes conséquences sur les prostituées que la pénalisation du racolage. Parce que le délit consisterait, une fois encore, en la rencontre, publiquement constatable par la police, entre une offre et une demande de service sexuel. Et pour échapper à la sanction, l'interaction entre la prostituée et son client, elle n'aurait pas d'autre recours que de chercher des lieux plus discrets, via Internet, par des numéros de téléphone sur les panneaux de feu rouge, enfin sur les poteaux de feu rouge, mais également en s'installant en bordure des routes, dans des sous-bois ou dans des établissements clandestins. Ce que les prostituées déjà ont dû se résigner à faire en grande partie, en grand nombre, depuis la répression du racolage. Et je dirais que la pénalisation des clients offrirait de nouveaux moyens de moralisation de l'espace public et participerait à son tour d'une démarche de sécurisation des espaces urbains via une pénalisation de leurs usages déviants, dont témoignent d'autres exemples. Une nouvelle fois, il n'y a pas que les prostituées qui sont concernées. La répression de la mendicité agressive, des attroupements de jeunes en bas des immeubles, etc. Et je dirais qu'une nouvelle fois, là, je termine là-dessus, la prostitution, qui selon moi est une question avant tout, une question sociale, ne trouverait qu'une réponse d'ordre pénal. Alors justement, j'allais l'évoquer. Bonjour à tous, merci de l'invitation. Alors d'abord, je vais vous présenter un petit peu ce qu'on fait au Mouvement d'Uni, pas une association forcément extrêmement connue. En fait, on est un mouvement de bénévoles, essentiellement, il y a quelques salariés, mais on est un mouvement en fait qui travaille, qui essaye d'agir sur les causes et conséquences de la prostitution. Qui veut un peu tout dire et pas grand-chose. Donc, en gros, si vous voulez, nous sommes fondamentalement abolitionnistes en tant qu'association. Alors, je vais revenir peut-être un peu plus en détail justement sur les grands régimes juridiques en matière de prostitution. Mais globalement, il s'agit pour nous de maintenir le modèle français d'un point de vue juridique qui est loin d'être parfait, mais qui a pour principal, on va dire, qualité, de ne pas considérer les personnes prostituées comme des délinquantes. En tout cas, c'était le cas jusqu'en 2003, puisque effectivement la loi sur la sécurité intérieure est venue jeter le trouble et beaucoup d'incohérences dans un système juridique déjà pas très satisfaisant. Mais donc je reviendrai plus avant sur ces catégories juridiques. Très concrètement, notre action en fait essaye d'être la plus globale et cohérente possible, c'est-à-dire que à l'origine le mouvement d'Uni est né de ce qu'on appelle la rencontre, c'est-à-dire que les bénévoles vont sur les lieux de prostitution rencontrer les personnes là où elles sont. Donc c'était sur le trottoir, ça l'est de moins en moins. Puisque effectivement une des grandes questions actuellement, c'est le fait que la prostitution est de plus en plus invisible. Donc c'est l'axe principal. Il y a aussi des axes de prévention où on intervient dans les collèges, dans les lycées, et puis évidemment aussi dans ce genre de manifestations auprès aussi d'un grand public plus large. On est également un mouvement. On se définit comme un mouvement relais, c'est-à-dire qu'en fait, on est essentiellement un lieu d'accueil pour les personnes, sachant qu'on ne fait finalement que les rediriger vers éventuellement des services administratifs ou des services sociaux dont elles pourraient avoir besoin. Donc vraiment, on est là en tant que relais, essentiellement. Mais donc, il va y avoir toute la phase éventuelle d'un travail d'accompagnement en cas de désir de sortie de la prostitution pour ce qu'on pourrait appeler une réinsertion. Et puis enfin, il y a la dimension du plaidoyer, c'est-à-dire une interpellation des pouvoirs publics, puisqu'évidemment, on est vigilant en matière de politique publique et on essaie effectivement de maintenir une certaine pression pour ne pas modifier de manière qui ne nous paraîtrait pas forcément favorable le régime juridique et aller vers un régime plutôt similaire aux Pays-Bas. Voilà. Donc voilà un petit peu comment on fonctionne. Alors, il y a plusieurs délégations en France. Celle de Tours a été fondée il y a 40 ans, c'est 40 ans cette année, par Albert et Bernadette Gaudret. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater sur la ville de Tours? Malheureusement, je ne suis pas forcément la plus à même de vous renseigner là-dessus, puisque je n'ai rejoint le mouvement qu'en 2009, et je ne suis pas tourangeaise d'origine. Mais j'ai quelques informations quand même. Donc, comme vous le disiez, dès les années 90, beaucoup de personnes venues des pays de l'Est sont arrivées à Tours, mais depuis à peu près 5 ans, il y a un certain recul en fait de la prostitution venue des pays de l'Est. En tout cas, elle est beaucoup moins visible, et c'est une prostitution plus africaine en fait qui est visible aujourd'hui à Tours. Tours fait partie des villes où la prostitution de rue est encore très importante par rapport à d'autres villes françaises. Ça, c'est ce qu'on a pu réaliser lors des rencontres entre les différentes délégations. Une des raisons, c'est justement que en 2002 et 2003, la municipalité de Tours n'a pas suivi véritablement la politique impulsée par la loi Sarkozy. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'arrêtés municipaux ou préfectoraux qui ont été passés à Tours, alors que ça a été le cas par exemple à Orléans. Il y a eu une poussée des riverains, mais qui finalement n'a pas véritablement trouvé d'écho. Alors que paradoxalement, un arrêt anti-mendicité a été passé à peu près à cette période. Donc aucune consigne du préfet. Il a été mis en avant que la police n'avait de toute façon pas suffisamment de moyens pour véritablement prendre à bras-le-corps cette question du délit de racolage passif. Il a été aussi dit que la prostitution était plutôt calme en surface, de manière peut-être moins officielle. Il a aussi pu être dit dans des échanges qu'on a pu avoir avec la police que la prostitution tourangelle, visible en tout cas, ressemble essentiellement à une prostitution indépendante, dite indépendante, c'est-à-dire que les réseaux ne sont pas véritablement visibles. En tout cas, pour les personnes qui sont là depuis longtemps, donc une certaine prostitution traditionnelle qu'on trouve essentiellement dans le quartier de la cathédrale, et qui, jusqu'à avant la rénovation de la place vers le Palais des Congrès, se situait vers la gare, en fait. C'est la rénovation du Palais des Congrès qui, en fait, l'a fait se décaler vers le quartier de la cathédrale. Donc voilà, comme c'est une prostitution qualifiée de plutôt indépendante, là aussi, il n'a pas semblé nécessaire de modifier un petit peu la politique en matière de sécurité publique. Après, ce qui est quand même flagrant, semble-t-il, c'est que, encore une fois, la loi sur la sécurité intérieure a véritablement jeté le trouble dans la cohérence du régime français. Donc peut-être pour revenir un petit peu sur le régime juridique, si ça vous intéresse, je ne sais pas si... Peut-être que vous êtes très au clair là-dessus. Globalement, il y a trois grands régimes juridiques. Donc il y a le prohibitionnisme, qui consiste tout simplement à interdire la prostitution, et donc tous les acteurs sont réprimés. Tous les acteurs sont considérés comme des délinquants ou des criminels, donc que ce soit le client, le proxénète ou les personnes prostituées. C'est le cas de certains États aux États-Unis, c'est le cas de la Chine également. Ensuite, on a le réglementarisme, qui est donc le choix de l'Allemagne, des Pays-Bas ou du Nevada, par exemple, où là, en fait, on légalise la prostitution et on va dépénaliser et la prostitution et le proxénétisme. On va évidemment offrir des lieux particuliers, précis, spécifiques, qui sont les maisons closes, enfin, quel que soit le nom qu'on leur donne d'ailleurs, puisque c'est aussi des Eros Centers à certains endroits. Donc des lieux spécifiques. Il va y avoir une réglementation avec des fichiers de police, des fichiers sanitaires. Et en fait, l'idée, c'est véritablement d'essayer de faire de la prostitution un des éléments d'une industrie du sexe, d'un travail du sexe, avec une organisation et un contrôle. Et d'en faire une activité économique à part entière. C'est d'ailleurs une des recommandations de l'Organisation internationale du travail depuis peu. Évidemment, ça a l'immense vertu de garantir un certain nombre de droits sociaux aux travailleuses du sexe. Après, il y a évidemment des insatisfactions qui demeurent sur ce régime, dans la mesure où il y a eu un effet d'aubaine assez certain, en tout cas à Amsterdam, enfin aux Pays-Bas, et où finalement la prostitution clandestine, illégale, a explosé en même temps. Et finalement, le nombre de personnes prostituées véritablement protégées par ce régime-là est assez dérisoire, en fait. On l'estime entre 4 et 10%. En tout cas, ce sont les chiffres de l'OCTRE, qui est l'Office de répression de la traite européenne, je ne sais plus exactement. Voilà, bref, l'octroi. Et donc l'abolitionnisme, qui est donc le choix de la France depuis 1946, dans ce système, le proxénète est un criminel, le client n'existe pas, en tout cas jusqu'à présent, il n'est rien, et la personne prostituée va être considérée non pas comme une travailleuse du sexe, mais comme une victime, c'est-à-dire que finalement... la prostitution est considérée comme une violence, et donc le texte de référence va être la Convention onusienne du 2 décembre 1949 sur la traite, c'est-à-dire que par principe, il y a une présomption qu'elle est victime. Donc ça a la vertu de permettre, j'ai envie de dire, de promouvoir une lutte contre le proxénétisme plus important, et puis ça a la vertu de promouvoir éventuellement des organisations sociales ou... des associations qui éventuellement s'intéresseraient à ces questions. Ça a évidemment pas toutes les vertus. On en a parlé, il n'y a pas véritablement de solution qui saute aux yeux comme ça. Alors peut-être pour revenir justement à la pénalisation du client. Alors, peut-être, je ne sais pas si vous le savez, mais en avril 2011 est sorti un rapport de la mission parlementaire, en fait, qui a été impulsé par deux députés, les députés Bousquet et Geoffroy, qui en fait ont fait, je crois, si je ne me trompe pas, ils ont vu à peu près 200 personnes, soit des associations, soit des sociologues, soit des personnes prostituées, voilà, énormément de monde. Et finalement, 30 grandes recommandations sont sorties de cette mission d'information qui, globalement, rejoignent les grands enjeux qu'avaient soulevés 17 associations féministes et abolitionnistes, parmi lesquelles, la plus connue, c'est la pénalisation du client. Alors, la position du NID, en fait, à cet égard, n'est pas forcément extrêmement simple, dans la mesure où la vérité, c'est que les membres du NID sont parfaitement divisés sur cette question. À titre personnel, j'y suis plutôt favorable. En revanche, il y a une chose juste qui semble absolument nécessaire, c'est que la question de la pénalisation du client n'a pas aucun sens tant qu'il n'y a pas l'abrogation immédiate du délit de racolage. Déjà, ça, c'est évident, et le répressif ne réglera absolument rien à lui seul. Et je suis quand même très convaincue par ce que vous avez dit à la fin de votre intervention. Mais il me semble que la pénalisation du client a la vertu de poser un interdit sociétal. L'idée que le corps n'est pas une marchandise. Et que peut-être c'est aussi ce type de message qu'il est bon de solidifier, de consolider, pour que finalement un certain nombre de problématiques plus sociales, plus politiques, plus pragmatiques sur la prostitution soient elles-mêmes résolues. Il y a une dimension très claire qui est idéologique et qui me semble difficile de passer sous silence dans une question comme la prostitution. C'est bien évidemment un problème social, bien évidemment un problème politique, mais il y a aussi une dimension plus idéologique. Et donc, on le voit depuis 1999, la Suède a fait le choix d'un régime abolitionniste, on va dire radical, en pénalisant le client. Ça a eu une vertu, c'est qu'effectivement, il y a eu beaucoup de départs de réseaux de proxénétisme. Bon, le problème, c'est qu'ils sont juste partis ailleurs, on est bien d'accord, et que le problème est fondamentalement mondial. Mais... Il y a quand même des vertus à cette pénalisation. Il y a l'idée que voilà, le corps ne s'achète pas. Voilà, donc c'est la position défendue par l'UNI. Évidemment, elle doit être discutée de toute façon en permanence, cette position. Voilà essentiellement pour la présentation de ce que je pouvais dire sur l'UNI. Peut-être juste un dernier élément. Pour que vous ayez une idée de ce qui se fait aussi un peu en Indre-et-Loire, si j'ai le temps. Comme le constat global, c'est que la prostitution est de moins en moins visible, en raison de la loi sur la sécurité intérieure, mais également en raison de l'essor des nouvelles technologies, nous n'avons quasiment plus la possibilité de rencontrer des personnes. Le mouvement du NID à l'échelle nationale rencontre entre 3000 et 5000 personnes prostituées par an, mais c'est en constante diminution. Et surtout, encore une fois, c'est assez traditionnel. Donc il y a à peu près une trentaine de personnes qu'on croise régulièrement. Il y a des équipes de jour, des équipes de nuit. Mais de fait, il y a de plus en plus ce qu'on appelle la prostitution occasionnelle, ou en tout cas la prostitution cachée. Et ça, c'est donc une problématique à laquelle on doit faire face. Et donc, il y a eu un groupe pilote qui s'appelle Prostitution Cachée, en tout cas c'est, pour l'instant il s'appelle comme ça, qui a été monté en 2008 sous l'animation de la déléguée départementale aux droits des femmes, et qui en fait c'est un groupe de travail, de réflexion et puis d'action auprès des jeunes en fait. Il ne s'agit pas de savoir du jour au lendemain s'il y a une prostitution des jeunes, une prostitution estudiantine ou pas, ça va être plus compliqué que ça, mais déjà dans un premier temps d'aller à la rencontre des jeunes pour essayer de comprendre la représentation qu'ils en ont, et peut-être ensuite d'en savoir un petit peu plus, mais c'est quelque chose d'absolument impossible à quantifier pour l'heure. Déjà, la prostitution visible, très compliquée à quantifier, même pour les services de police. Donc là, avec ce phénomène de prostitution cachée, c'est vrai que pour nous, c'est un défi assez terrifiant. Comment aller à la rencontre des personnes, sachant que c'est un peu l'essence du mouvement. Donc voilà, je vais m'arrêter là, et puis peut-être y aura-t-il des questions. Merci. Alors là, l'idée, c'est d'avoir une discussion, on va dire, ouverte, hein, c'est-à-dire n'hésitez pas à interpeller les intervenants, mais également entre vous, si vous avez des points de désaccord, si vous voulez vous-même vous répondre entre vous, n'hésitez pas non plus. Donc là, l'idée, c'est, si vous avez des remarques, des témoignages, des questions à poser, n'hésitez pas à prendre la parole, quelle que soit la nature de ces remarques. Alors peut-être pour lancer un petit peu la discussion, moi j'aurais une question justement sur la prostitution cachée. C'est une question que je pose assez régulièrement chaque année. Il y a des reportages dans les journaux locaux sur un phénomène assez peu connu et auquel pourtant on est censé pouvoir être confronté, c'est celui de la prostitution étudiante. J'aurais aimé savoir si vous aviez des éléments tangibles sur cette prostitution-là. sont cachés, dans quelle mesure c'est un phénomène récent, et quels sont finalement les ressorts de ce nouveau phénomène. Alors, moi je peux parler du coup de ce qui a été fait par le groupe Prostitution Cachée. Encore une fois, oui, c'est assez récent, c'est-à-dire que ça fait globalement, les délégations du Monde Uni estiment que c'est véritablement accru depuis 2004-2005. Alors, ça devient un souci permanent depuis ce moment-là. Donc, impossible à quantifier. Donc dans ce groupe pilote, il y a évidemment il y a plein de partenaires, hein. Il y a notamment le CLOUS, la médecine préventive, mais impossible de faire parler les étudiants sur des problématiques comme ça. En revanche, ce qu'on a fait comme première action, enfin une des actions, ça a été d'essayer en fait de faire une enquête auprès des jeunes, hein, pas auprès des étudiants uniquement, hein, on est aussi allé au Bige, à l'espace santé jeunes, et en fait d'essayer déjà de comprendre la représentation que les jeunes se font de la prostitution. Et les résultats de ces questionnaires ont été analysés par l'ARCA, donc, qui est représenté ici en la personne d'Erwan Dieu. Et voilà un petit peu ce qui en est ressorti. Hein, donc de ces études auprès des jeunes. La prostitution est perçue comme un métier choisi, tant dans la définition que dans les motivations qui poussent à se prostituer. Les autres définitions de la prostitution sont extrêmement mineures. Par exemple, seulement entre 10 et 17% estiment que c'est une nécessité économique. Entre 2 et 6% ont une vision fataliste de ce fait. Ou en Corse, entre 6 et 17% passe par la notion de proxénétisme. Donc pour la majorité des jeunes, c'est véritablement un métier choisi. Et la dimension aussi des facteurs psychologiques ou des trajectoires de vie des personnes est totalement oblitérée en fait. La majorité des jeunes ne se posent pas la question de savoir s'il y a des facteurs de basculement, qu'ils soient psychologiques ou des trajectoires de vie. Donc évidemment, ça ne répond pas fondamentalement à votre question, j'en ai bien conscience. Mais en l'état actuel, que vous dire, j'ai envie de vous dire, on a des appels d'étudiants qui nous disent ce qu'ils font. Mais c'est évidemment c'est marginal. En l'état, on ne traite que des cas individuels. Donc c'est une réalité. Les bars à hôtesses à Tours sont de plus en plus nombreux. On y est allé. En tout cas, on n'avait pas un, du moins. Et ce sont des bars à hôtesses qui s'affichent comme des bars à hôtesses et qui très clairement passent le cap de la prostitution par moment. Donc c'est une réalité inquantifiable en l'état. Et c'est terriblement frustrant de ne pas le savoir, ça, et de ne pas y avoir accès. Et on essaie de mobiliser aussi les professeurs de certaines facultés pour essayer de mettre en place des actions, faire conduire. Désolée de ne pas être. Moi, je ne vais pas apporter d'éléments plus tangibles sur cette question. Alors, moi, je dirais que ce n'est pas une question nouvelle parce que déjà, il y a 20 ans, quand j'ai participé à toute première recherche sur la prostitution à Lyon, il y avait énormément de discours, en tout cas, sur une prostitution étudiante qu'on présupposait massive, etc., dont on n'a pas trouvé de traces, en tout cas, quand on a travaillé. Il y a eu beaucoup de chiffres qui ont été publiés, il y a eu des bouquins de témoignages ou d'enquêtes qui ont été sorties avec des chiffres assez fantasmatiques qui ensuite ont été corrigés. Par contre, on a des indicateurs qui sont extrêmement fiables de l'Observatoire de la vie étudiante sur une paupérisation extrêmement importante de la population étudiante. Donc ça, on peut dire que ça, par contre, on peut... Alors, de là à dire qu'il y a des effectifs extrêmement massifs d'étudiants, enfin surtout d'étudiantes qui se prostitueraient, je crois que c'est aller un peu vite en besogne, c'est de faire comme si le passage, on va dire, le passage à l'acte de se prostituer était quelque chose de simple. Or, je ne crois pas que ça soit quelque chose de simple pour qui que ce soit, étudiant ou pas étudiant. L'autre question qui se pose, c'est la manière dont des personnes qui ont des pratiques particulières se donnent du sens à leur à ce qu'ils font. C'est-à-dire que il y a des gens qui peuvent éventuellement négocier certaines faveurs contre de l'argent, contre aussi se faire payer une belle soirée au restaurant ou en boîte, même si le bonhomme n'est pas forcément le plus séduisant, mais quand même on se fait payer une belle soirée ou différents avantages. Comment ce genre de transaction est perçu, est vécu par les personnes elles-mêmes? Ça ne veut pas dire un observateur extérieur pourra dire c'est de la prostitution. Parce que finalement, elle accepte de coucher à la fin de la soirée avec le bonhomme alors qu'il ne lui plaît pas. Donc ça, pour les personnes, c'est beaucoup plus complexe de définir cette situation comme de la prostitution. Donc je dirais, on est dans la zone informelle, floue, qui peut être aussi de l'ordre de pratiques ponctuelles, qui viennent répondre à un besoin d'argent ponctuel, mais qui font qu'il n'y aura pas quand même un des éléments du statut prostitutionnel, qui est la régularité de l'activité, le fait que ça devienne la principale, ou tout au moins une des principales sources de revenus. Donc on est dans quelque chose d'un peu flou, et j'irais le fait de dire « c'est de la prostitution », ça peut avoir aussi des conséquences extrêmement lourdes pour les personnes qui se trouvent de fait étiquetées, dont l'image d'elles-mêmes, la représentation qu'elles se font d'elles-mêmes se trouve quand même très, très stigmatisée, très dévaluée. C'est pas forcément rendre un service à quelqu'un que de lui dire tu fais la pute. Donc on est dans toute cette complexité, toute cette ambiguïté-là. Oui, est-ce que, pour revenir un peu à la dimension urbaine, est-ce que vous pensez qu'on pourrait parler de prostitution à deux vitesses avec, en ville, prostitution qui est davantage dans les lieux privés, hein, que les bars, les escort girls, enfin, et qui est donc moins visible qu'auparavant lorsqu'elle était entre guillemets sur le trottoir, très joli, mais de dire ça. Et donc une forme de prostitution qui existe toujours, qui est peut-être plus aisée ou pas. Et puis une deuxième prostitution, un deuxième type, et peut-être des femmes d'origine différente de groupes ou appartenant à des groupes différents, qui est celle de l'ancienne prostitution évincée des centres-villes dont tu parlais, hein, et qui se retrouve au fond de la ville, hein, dans des aires de forêt. Enfin, moi je pense à la forêt de Sénart, où il y a toujours de la prostitution, mais où on a vraiment vu arriver des femmes de Paris, dans des camionnettes, etc. Et ce sont pas... Est-ce que vous avez essayé de retracer des itinéraires, hein, des histoires de vie? Est-ce que ce sont les mêmes femmes qui peuvent passer dans l'un ou l'autre type sans distinction, ou est-ce que il y a des itinéraires différents selon justement les réseaux? Est-ce qu'on peut parler de vitesse comme je le fais, ou est-ce que c'est encore plus compliqué que ça sans doute? Alors moi j'ai essentiellement travaillé sur la prostitution de rue, donc celles qui sont sur le trottoir, et avec très peu de données sur on va dire une prostitution un peu plus à la fois plus discrète et plus favorisée économiquement, en termes de sécurité, etc. Donc moi je me suis intéressé à un des pôles que vous décrivez. Par contre, je pense à des travaux notamment américains, d'une anthropologue qui s'appelle Elizabeth Bernstein, qui a travaillé sur la Californie, et qui est tout à fait dans cette idée d'une prostitution à deux vitesses, c'est-à-dire d'une dualisation de la prostitution entre une prostitution extrêmement précaire, soumise notamment, parce que alors c'est les États-Unis de toxicomanes, soumise à la répression policière, avec des conditions d'insécurité, des conditions sanitaires absolument déplorables, de femmes qui viennent des milieux les plus pauvres, les plus défavorisés, avec énormément de contraintes économiques, d'addictions qui contraignent à la prostitution, et puis quelque chose qui est de l'ordre d'une prostitution beaucoup plus euphémisée, beaucoup plus favorisée au niveau de ses conditions matérielles d'exercice, au niveau de des gains qui sont retirés de cette activité, de femmes qui se définissent davantage comme, comme indépendantes, comme volontaires, qui sont dans un vocabulaire du choix de cette activité, et qui, parce que ça prend des formes beaucoup plus discrètes, par téléphone, par Internet, ne sont pas exposées à la répression policière. Donc on est effectivement tout à fait dans ce modèle d'une dualisation, hein, d'une prostitution à deux vitesses. Et je dirais, alors même si c'est... phénomène escort girl et autres est quand même assez marginal par rapport à la prostitution de rue en France tout au moins, mais la logique de la loi sur la sécurité intérieure va tout à fait dans ce sens-là, c'est-à-dire que celles qui sont discrètes, qui font pas du désordre dans la rue et y a pas de raison de s'en plaindre, on les laisse tranquilles. Après, sur Tours, c'est, là encore, je ne suis pas sûre que ce soit extrêmement révélateur de ce qui se passe dans d'autres villes, puisque, comme je disais, c'est une ville dont le visage prostitutionnel est assez particulier. C'est-à-dire que dans le centre-ville, ce sont des personnes qui sont sur le trottoir depuis vraiment très longtemps, pour la majorité d'entre elles, et qui sont issues d'un milieu social extrêmement modeste, mais qui, effectivement, ont soit des voitures, soit des petits appartements dans le quartier où elles travaillent. Et sinon, effectivement, les plus jeunes, qui sont, je pense essentiellement aux jeunes africaines, là vont se retrouver dans des zones de vulnérabilité beaucoup plus importantes. Il y en a quelques-unes en centre-ville, notamment sur le boulevard Heurtelou, mais elles sont souvent, en fait, dans les parkings de Tour Nord, en fait. C'est-à-dire qu'il y a quand même un déplacement très important, et c'est souvent les plus jeunes, et la majorité du temps des personnes étrangères, surtout africaines, en fait. Donc, d'une certaine manière, on retrouve un petit peu ces deux vitesses, mais en tout cas, la prostitution de luxe, il y a à Tours, nous, on n'a jamais pu la voir, précisément parce qu'elle est en grande partie invisible, mais aussi parce que c'est pas le visage de Tours. Voilà. J'ai une question, je voulais savoir si vous aviez travaillé à partir des clients, savoir qui ils sont, et d'où ils viennent géographiquement de la ville. Et donc en fait, la question, ces mobilités de prostituées qui passent d'un quartier à un autre, d'une rue à un autre, d'une rive, du fleuve à une autre rive du fleuve, est-ce que ça peut s'expliquer aussi par les clients qui y sont, et ou éventuellement l'inverse, est-ce que ça peut avoir des conséquences sur les clients qui les fréquentent, parce qu'il faut bien qu'ils déplacent pour aller voir. Alors, je pense pas être capable de vous répondre sur la dimension géographique, urbanistique de votre question. Je ne le sais pas. En revanche, justement, le client, ça a été la grande inconnue du système prostitutionnel, et un sociologue, Saïd Bouamama, a travaillé sur le client entre 2002 et 2004. C'est une étude qui avait justement été en partie financée par le mouvement du Nid, puisqu'on ne connaissait pas le client. Il a fait des interviews, il a fait cette étude-là, mais j'ai pas le souvenir que ces questions aient porté sur cette dimension géographique. La question, c'est surtout de savoir est-ce qu'il y a un profil du client. La réponse est non. La réponse est qu'on peut essayer de dresser un certain nombre de j'ai utilisé le mot profil qui n'est pas du tout adéquat, mais on repère quand même des sciences. C'est vrai qu'on a souvent l'image du client, déjà du client célibataire. Ça c'est faux. Là. 85% des clients sont mariés ou en couple. Donc ça, par exemple, c'était déjà une nouvelle donnée. C'est quelque chose qu'on ignorait. Au niveau des classes sociales, tout est représenté. Il n'y a pas du tout de classe sociale qui serait particulièrement encline à être client de la prostitution. Après, on peut aussi imaginer, on imagine que le client est peut-être quelqu'un de particulièrement violent ou pervers. Là aussi, il y a de la violence dans l'acte prostitutionnel, mais il n'y a pas nécessairement une clientèle perverse ou une clientèle qui serait fondamentalement sur la violence. C'est-à-dire qu'il y a de la violence, quel que soit le client, à des degrés d'intensité moindre, et parfois même aussi, ça va jouer sur des symboliques. Reste quand même qu'il y a, de cette étude, il ressort quand même une représentation globale de la sexualité comme fondamentalement hétérosexiste. Est fondée sur une vision de la sexualité comme à la fois un objet de peur et un objet de performance, enfin, le champ d'une performance. Voilà. Et il y a aussi une autre dimension qui ressort, c'est la dimension incroyablement paradoxale des attentes. C'est-à-dire que souvent, les clients peuvent dire qu'ils veulent réclamer dans la relation, à la fois la relation humaine, la tendresse, et en même temps, ils veulent précisément faire ce qu'ils ne peuvent pas faire chez eux. C'est-à-dire qu'il y a, ce qui est toujours très impressionnant dans le fait de s'intéresser à ces questions, c'est que c'est jamais simple, ça c'est sûr, mais c'est en plus toujours contradictoire et tout le temps paradoxal. Voilà, là aussi je suis désolée pour la dimension géographique, je ne sais pas. Aussi sur la dimension géographique, il y a peu de choses qui aient été vraiment traitées. Simplement, ce qu'on peut constater, c'est que c'est souvent sur les axes routiers que s'installent les prostituées, que ce soit l'idée des routes nationales, enfin sur les aires de repos. J'évoquais à Lyon, c'était les premières camionnettes avant la loi sur la sécurité intérieure étaient à l'entrée de la ville, hein, vers sur le boulevard périphérique, à la sortie de l'autoroute. Donc c'est aussi, il y a quand même certaines professions qui circulent beaucoup, qui fournissent des contingents de clients. Oui, de ce point de vue-là, la localisation n'est pas totalement anodine. Oui, je disais qu'il n'y a pas de catégorie socio-professionnelle. Enfin, il y a quand même une catégorie. Enfin, il y a une profession qui a un rapport particulier avec la profession, c'est quand même c'est l'armée. C'est les militaires. Il y a quand même encore ce corps-là qui entretient un rapport un peu particulier pour tout un tas de raisons assez complexes, mais où la relation prostitutionnelle est encore vue aussi dans ces familles à travers la notion d'éducation, en fait. C'est-à-dire que l'éducation sexuelle doit aussi passer par là. Il y a quelque chose d'extrêmement, une espèce de lien comme ça traditionnel qui parcourt. Des fois, le milieu militaire, voilà, il y a ça qui me vient à l'esprit. Oui, ça va, parce que je suis sociologue, je voulais déplacer souvent des chroniques par rapport, si vous voulez, à ceux qui se pratiquent dans les communes. Donc, est-ce que vous pensez que ça a été la tendance quelquefois, il y a quelques années, stratégiquement intéressant d'instituer une sorte de TVA quand on aborde là la question de la valeur ajoutée économique, on intègre cela à des indicateurs comme le PIB pour pouvoir justifier effectivement de libéraliser effectivement cette activité et la rendre tout à fait, enfin, cyniquement, je dirais, rentable pour l'économie du pays. Il semblerait que ce soit effectivement la tendance qui prévale dans des pays comme l'Allemagne et Cuba, qui ont probablement culturellement moins passive. Donc je ne sais pas si on peut opposer, je n'ai pas très bien compris d'ailleurs la distinction en fait, entre le courant abolitionniste et et j'ai pas très bien, si vous voulez revenir sur le troisième régime, ça m'intéresse de savoir quel était profondément. D'accord. Le troisième régime que j'ai cité, le prohibitionnisme. Juridiquement, vous avez cité le troisième. Oui. J'ai bien saisi les deux premiers. Mais le troisième, si vous voulez revenir dessus, d'accord. Globalement, c'est cet aspect économique que je voudrais voir en ressortir. C'est le prohibitionnisme où j'ai pas été claire ou c'est. Voilà, l'abolitionnisme. Donc, voilà. Voilà, donc le prohibitionnisme, c'est tout simplement la prostitution est interdite et tous les acteurs de la prostitution sont considérés comme des délinquants, des criminels. Proxénètes, clients et personnes prostituées. Voilà, c'est interdit. Voilà. Il n'y a aucune tolérance pour cette activité. Pour revenir à votre question économique, c'est ce que je disais tout à l'heure, je ne saurais plus exactement vous dire l'année, mais très récemment, l'Organisation internationale du travail a suggéré effectivement qu'il fallait faire entrer toutes les formes de l'industrie du sexe dans le champ du commerce, qu'il fallait effectivement suivre la voie des Pays-Bas et de l'Allemagne. Par ailleurs, il semblerait que la municipalité d'Amsterdam soit en train de faire un peu marche arrière par rapport à son projet initial et que ça pose effectivement un certain nombre de problématiques financières et économiques assez monumentales, puisque ce serait une perte financière absolument très très importante. Il est clair que que la position du mouvement d'Uni, elle s'explique aussi en partie par rapport à cette crainte de l'application d'un libéralisme qui sait être particulièrement violent, appliqué finalement à ce qui peut être vu comme l'expression d'une domination masculine. C'est aussi une de nos craintes, c'est de libéraliser l'échange marchand du corps, sachant que le corps en question est quasiment tout le temps celui de la femme. Quand il est de l'homme, le client reste un homme et c'est un corps homosexuel. Donc, c'est évident que ça, c'est notre crainte principale et ça explique notre positionnement abolitionniste. Et après, de toute façon, et je vous laisserai la parole, au niveau de l'économie informelle, c'est le troisième marché économique mondial après les stupéfiants et les armes. Et en fait, il sert essentiellement à financer les deux autres. Je crois que c'est 60 milliards de dollars par an qui sont brassés. Donc c'est sûr qu'économiquement, ça peut être bon pour la dette. Bon, j'aurais une vision un peu différente, notamment sur l'expérience hollandaise et sur l'expression que vous avez employée de libéraliser l'activité. La loi hollandaise, elle date de 99 et elle faisait suite à... en fait, les Pays-Bas étaient un pays abolitionniste, mais depuis 1911, mais qui n'appliquait pas sa propre loi, ce qui fait qu'une activité de proxénétisme existait, des établissements de prostitution existaient, avec des patrons de bordel et des prostituées. Simplement, là, on était dans la situation du marché libéral le plus parfait, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune réglementation. C'était la rencontre d'une offre et d'une demande, et aucun État, aucune intervention publique ne venait intervertir sur la rencontre entre cette offre et cette demande. La loi de 99, précisément, fait apparaître l'acteur étatique qui établit des règles, qui établit les règles de contrat de travail entre la prostituée et le patron de l'établissement, qui définit des règles en matière de conditions de travail, de volume des pièces où les prostituées reçoivent leurs clients, etc. Donc je dirais, c'est plutôt l'intervention de l'État dans quelque chose qui était précédemment relevé du libéralisme. Alors, le souci que pose la politique hollandaise, donc, elle pouvait se targuer d'une dimension sociale, c'est-à-dire de souhaiter préserver les conditions de travail des prostituées, de garantir les droits des salariés face à leur employeur, en normalisant d'une certaine manière la prostitution comme un travail avec des garanties pour les travailleuses. Alors là, le souci qu'il y a derrière ce discours très social, on va dire, c'est que ça reposait sur l'idée qu'il y a une distinction à opérer dans la prostitution entre la prostitution libre et la prostitution forcée. Et la prostitution libre, c'est celle qui est exercée par des Hollandaises ou des étrangères en situation régulière, mais que les migrantes en situation irrégulière sont nécessairement des prostituées forcées. Donc on a, d'une certaine manière, c'était une forme de préférence nationale qui est établie, et qui également a pour effet, en valorisant ce modèle de l'établissement de prostitution, de faire ce dont j'ai parlé dans mon intervention, c'est-à-dire de nettoyer les rues. C'est-à-dire que celles qui ne sont pas et qui sont principalement des migrantes en situation irrégulière, qui sont des gens précaires, etc., sont indésirables dans l'espace public. Et donc celles-là, on va essayer de s'en débarrasser. Alors, c'est pour ça que moi, j'aurais cette distinction qui est effectivement assez commode pour se repérer entre trois régimes juridiques. Donc l'abolitionnisme, le réglementarisme et le prohibitionnisme, elle me semble plus trop d'actualité aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a des politiques extrêmement différentes dans leur présupposé philosophique, idéologique, dans les enjeux des objectifs qu'elles se donnent, mais qui ont des résultats. Je ne dis pas que l'intention est la même, mais je dis que le résultat est souvent très similaire, c'est-à-dire qu'on privilégie des rencontres discrètes entre des prostituées et des clients, dans des établissements fermés, dans des prises de contact par téléphone, par Internet, et on restera au maximum la prostitution visible, celle qui s'exerce dans la rue. Si on regarde la loi suédoise, ça a été son effet également. C'est-à-dire qu'une nouvelle fois, on pénalise le client. Comment la police va identifier un délinquant, un client ? C'est celui qui, dans la rue, s'adresse auprès d'une prostituée. Du coup, les prostituées et les clients vont trouver des lieux plus discrets pour se rencontrer. Donc, on a, je dirais... vous n'allez sans doute pas être d'accord pour ranger la Suède parmi les États prohibitionnistes, mais je pense que si on pénalise un des pôles de la relation prostitutionnelle, on pénalise toute la relation. C'est-à-dire qu'on est dans une forme d'interdiction de la prostitution, même si c'est avec l'idée que ça protège les prostituées et qu'on s'attaque d'abord aux clients, mais c'est... Je pense qu'on peut se rapprocher ça du prohibitionnisme, on peut rapprocher la Hollande du réglementarisme et la France de l'abolitionnisme. On a trois régimes distincts, mais qui ont les mêmes effets, c'est-à-dire nettoyer les rues et favoriser, si on les tolère, des formes de rencontres davantage discrètes. Puis, dernière petite chose, parce que je pense que c'est quand même important, l'Allemagne, effectivement, au niveau de la loi fédérale, légalise la prostitution, le fait de tenir un établissement de prostitution. Tous les Länder n'ont pas intégré cette loi dans leur propre législation. Donc en fait, il y a seulement un certain nombre de Länder qui sont réglementaristes, si on veut conserver cette étiquette-là. Donc il faut faire attention entre la loi telle qu'elle existe sur le papier et ce qui s'exerce dans la réalité des pratiques sur le terrain. J'ai une question. Je trouve ça extrêmement intéressant d'aborder sous l'angle à la fois spatial et social la question. Et en fait, à travers toutes les explications que vous nous avez données donc sur les différents régimes, etc., je vois bien que la problématique, elle est très locale. Et puis je vois aussi une articulation avec quelque chose, une globalisation où finalement, ça rebat un peu les cartes de l'idéologie et du pragmatique, c'est-à-dire quand on veut agir auprès de l'institution, il faut aller à la rencontre des gens, mais quand on est idéologiquement porteur d'un discours prohibitionniste, on ne fait que cacher la chose. Et donc du coup, j'ai l'impression que ces deux-là sont déjà un paradoxe, évident, ce qui ne veut pas dire qu'il faut permettre, mais qu'en tout cas, pour pouvoir... ces personnes-là, à leur rencontre, il faut qu'elles puissent être dans l'espace public quelque part. Ce que j'ai l'impression d'ailleurs à Tours, mais à travers l'image très réduite que j'en ai, en gros, entre les studios, le cinéma, et quand je rentre chez moi, je passe sur une rue, j'ai l'impression qu'elles sont là, c'est tout ce que je connais, mais qu'on les voit, et que du coup, je dis presque qu'il peut y avoir un contrôle social des autres personnes, c'est-à-dire aussi voir qu'il n'y a pas de débordement ou de choses, même si c'est très superficiel la vision que j'en ai. Et puis du coup, l'articulation avec une échelle beaucoup global, mais qui est complètement déconnecté, parce qu'on sait que le problème est local, mais d'un autre côté, caché, ça renvoie au réseau de prostitution, etc. Et puis je pensais donc aux différences entre les pays, et je pense par exemple à l'exemple de la Suisse, qui du coup devient, j'ai l'impression, pas le paradis pour ça, mais notamment avec la proximité à Lyon, je sais pas, aussi avec les mobilités peut-être des clients qui peuvent aller facilement. Alors c'est peut-être des clientèles beaucoup plus aisées, etc. Mais du coup, le problème prohibitionniste reporte à des échelles politiques beaucoup plus larges. Et du coup, je me demande aussi si au niveau, c'est pas plus difficile du coup d'agir dessus à des échelles plus larges. Je ne sais pas si l'Europe notamment fait quelque chose, si ces grandes institutions sont porteuses de... Parce que du coup, là, il y a vraiment un écart entre le problème très local, parce que c'est jamais des gens qui ont parcouru l'Europe pour aller voir les prostituées, mais d'un autre côté, l'enjeu, il est bien là, c'est-à-dire interdire le réseau, bah, il va aller ailleurs, et si on s'en prend la racine. Donc, j'ai l'impression que c'est vraiment géographique au sens d'échelle différente, des problématiques idéologiques pragmatiques qui s'opposent, avec des choses qu'on pourrait presque séparer entre les réseaux internationaux. Puis... J'en profite juste pour compléter la question. Et faire une remarque sur ce qui est intéressant, c'est au niveau géographique, je vous en avais parlé un peu tout à l'heure, c'est qu'il y a aussi maintenant un tourisme, le tourisme de la prostitution existe aussi, c'est-à-dire qu'il y en a aussi qui traversent, qui font des kilomètres pour, alors on a en tête l'Asie du Sud-Est pour une certaine partie, mais c'est aussi le cas peut-être en Espagne, moi je connais l'exemple hongrois où il y a comme ça des allers-retours le week-end, voilà. Et puis la question, enfin, là où je voulais compléter la question, c'était sur la manière dont la question, la problématisation, enfin, le fait qu'on fasse de la prostitution un problème, comment c'est formulé dans le débat public et comment c'est formulé dans le débat public en fonction des échelles, justement. C'est-à-dire, j'ai l'impression que la préoccupation de l'État concernant la prostitution, la préoccupation. Des collectivités locales, des mairies sont assez différentes, mais au final, le résultat, c'est une convergence d'intérêts avec l'État qui pense que la prostitution, c'est pas bien pour des questions peut-être, je sais pas, morales, etc. Et puis au niveau des pouvoirs publics locaux, enfin, des maires, des équipes municipales, bah, l'idée, c'est effectivement une idée qui m'a beaucoup plu, bah, c'est la question. De l'image de marque, finalement, on est dans des villes où les territoires se vendent, hein, et que du coup, celles qui se vendent, et ben, on les met à l'écart pour voilà, montrer patte blanche et rassurer les investisseurs. je ne sais pas si je vais tout retenir. Par rapport à ce que vous disiez à l'instant sur l'image de marque, une remarque très générale, on se pose la question de la visibilité ou de l'invisibilité de la prostitution, mais je crois que ce qui fondamentalement caractérise la prostitution, c'est une extrême marginalisation et c'est une invisibilité, et là aussi, qui n'est pas uniquement géographique, qui est sociale et qui est politique. Je veux dire, c'est presque... C'est presque, elles se sentent citoyennes de seconde classe, enfin, même pas de seconde classe. Elles ne se sentent pas appartenir. Il y a un phénomène de désaffiliation qui est absolu. Enfin, encore une fois, je me base sur les témoignages essentiellement. C'est une stigmatisation permanente, évidemment. Parce qu'une des violences, c'est aussi ça. C'est, même s'il n'y a pas de trouble à l'ordre public ou que c'est plutôt calme en superficie, c'est comme elles sont. Pas loin des écoles, dans le quartier de la cathédrale, bah, c'est aussi tous les petits collégiens qui passent à côté et qui soit les voient pas, soit les voient pour les insulter. Enfin, il y a aussi cette invisibilité-là, sociale et politique, qui est omniprésente. Alors du coup, oui, comme vous disiez, il y a une convergence d'intérêts, on ferme les yeux, c'est bien. Enfin, c'est aussi l'idée, c'est aussi un peu... C'est pour ça aussi qu'on a besoin de nourrir des clichés, c'est un mal nécessaire, ça évite les viols, ce qui est un argument que j'ai toujours essayé de comprendre, j'ai jamais réussi. Voilà, c'est-à-dire que c'est aussi une manière de toujours reculer le moment où vraiment on essaiera de trouver une solution. Moi, je ne dis pas qu'elle est simple, je ne dis pas qu'ils n'ont pas essayé, je ne dis pas que les pouvoirs publics n'essayent pas, mais il y a quand même... Mais est-ce que, par exemple, juste pour compléter encore plus la question, est-ce que c'est un problème, la prostitution invisible pour les pouvoirs publics? Est-ce que du coup, ça sort du champ problématique? Bah, c'est est-ce que ça reste un problème, la prostitution, ou est-ce que c'est de la visibilité qui a un problème? Ah bah, je pense que... Peut-être que c'est fondamentalement, je crois, un problème politique, mais ce qui est quand même frappant, c'est que c'est une espèce d'objet juridique non identifié, la prostitution. C'est... c'est complètement à part, c'est complètement incohérent. Donc après là je pense qu'il faut vraiment laisser le sociologue parler maintenant. Parce que on est pas trop alors oui, il y a beaucoup de choses en peu de questions, donc c'est un peu. Alors c'est autour de la question des différents niveaux de l'appréhension du phénomène. Effectivement, il y a une dimension internationale dans le phénomène, c'est-à-dire que ce sont pas, on a depuis quelques années une accentuation de la prostitution de personnes étrangères, et quand on voit leur origine, c'est tout sauf anodin. Donc que ce soit des femmes qui viennent du Nigeria ou d'Europe de l'Est, l'Europe de l'Est post-soviétique qui a quand même eu des cures d'austérité néolibérale extrêmement violentes. Bon, donc il y a des logiques, des inégalités internationales qui se révèlent au travers de ce phénomène. Et je dirais, oui, l'Europe a une politique par rapport à ça. C'est Schengen. C'est-à-dire, c'est la fermeture des frontières aux migrants dont on ne veut pas, aux migrants indésirables. Alors, ce qui a des effets, une nouvelle fois, contradictoires, c'est-à-dire que s'il est plus difficile pour des migrantes de venir dans l'Union européenne, là, on va payer plus cher des passeurs pour franchir les frontières. Hein. Donc, lorsqu'on parle de réseau, on a l'image du méchant proxénète, mafieux, en costume cravate, etc. C'est pas forcément le proxénète, c'est le passeur, celui qui, à Sangatte ou ailleurs, fait transiter des personnes. Parce qu'il est de plus en plus illégal de franchir ses frontières, il s'est de plus en plus difficile, donc ça paye de plus en plus cher. Et donc les femmes qui parviennent à franchir ces frontières, ensuite ont des dettes. Et pour rembourser les dettes, il n'y a pas forcément beaucoup de... Et de toute façon, le marché du travail pour des femmes en situation irrégulière, il n'est pas démesuré. C'est domestique ou prostituée, de toute façon. Alors, pour... la question du niveau, la loi sur la sécurité intérieure, elle s'occupe aussi du local. C'est-à-dire que la loi sur la sécurité intérieure, et lorsque moi j'ai étudié les débats au Parlement, lorsqu'elle a été défendue, c'est l'idée, il faut donner les moyens de répondre aux riverains qui en ont marre, etc. C'est une politique aussi au niveau national, c'est-à-dire il faut protéger le territoire national de ces migrants dont on ne veut pas. Donc, ce qui s'est présenté comme une loi contre le racolage, c'est une politique de la migration, la loi sur la sécurité intérieure. C'est d'abord l'idée que les coupables de racolage, on va les expulser. On va leur retirer leur titre de séjour si elles sont en situation régulière, et si en plus elles n'ont pas de titre de séjour, alors raison de plus pour les expulser. Mais avec l'idée... Et ça, c'était particulièrement tordu dans l'argumentation, c'est que en les arrêtant et en les expulsant, on les protège. C'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur de l'époque, qui aujourd'hui est redevenu, paraît-il, un Français parmi les autres, a dit qu'en les arrêtant, on sort ces malheureuses des réseaux qui les exploitent. Je cite de mémoire, mais c'est à peu près une des phrases qu'il avait sorties au Parlement. Et à un autre moment, il a dit « Pendant qu'elles sont en garde à vue, on pourra les présenter à des associations. » Alors, c'est aussi l'idée, et je pense que celle-là, elle est plus difficile à combattre parce qu'elle est fortement intégrée, c'est qu'elles sont là malgré elles. C'est-à-dire qu'il y a des méchants proxénètes qui les ont enlevées, qui les contraignent à se prostituer, et elles ne rêvent que d'une seule chose, c'est de retourner dans leur pays. C'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire qu'elles ont migré avec l'espoir d'une vie un peu meilleure dans un pays riche. Bon. Et alors, il y a effectivement des proxénètes qui les ont leurrés, qui les contraignent à se mettre sur le trottoir, mais il y en a aussi qui se retrouvent en France. Je pense notamment à des travaux faits par des collègues sur les prostituées chinoises à Paris. Elles arrivent en France, elles ont payé très cher ou elles se sont endettées. Elles arrivent en France, elles découvrent petit A qu'elles sont sans papier, petit B, elles découvrent ce que c'est que d'être sans papier, Donc le risque d'être expulsé, d'être arrêté et d'être expulsé. Et petit b, que comme boulot, ben, il n'y a pas grand-chose. Il y a travailler dans les ateliers de confection clandestins, 7 jours sur 7, 12 heures par jour, être domestique, exploité comme c'est pas possible, souvent par des compatriotes, et prostituée. Et prostituées, elles ont davantage les moyens de conserver l'argent, et en plus, prostituées, ça a un avantage, c'est qu'elles peuvent rencontrer un Français qui tombe amoureux d'elles, qui est prêt à se marier avec elles, et qui leur donnera des papiers. Donc c'est absolument sordide comme d'être dans cet espace de choix, mais néanmoins c'est l'espace dans lequel de choix entre guillemets dans lequel se retrouve. Alors, dernière petite chose, j'ai bien aimé la formule l'objet juridique non identifié, mais je dirais c'est un peu la logique de l'abolitionnisme, c'est-à-dire de considérer que la prostitution, hein, c'est la loi française depuis 1960, malgré la loi sur la sécurité intérieure, considère que la prostitution, c'est une activité privée. C'est-à-dire que chacun, chacune, a le droit d'exercer, sous deux conditions, c'est de ne pas causer de troubles à l'ordre public, c'est le racolage, et qu'il n'y ait pas d'exploitation, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas quelqu'un qui profite de la prostitution qu'on exerce soi-même. Mais l'ambiguïté, c'est un peu ce que donc il y a une. De fait, la loi reconnaît la liberté pour chacun, chacune de se prostituer, mais dans le même temps, elle considère que la prostitution est une inadaptation sociale. Et donc, c'est un peu comme le poisson soluble des surréalistes, c'est-à-dire que quelqu'un qui prétendrait exercer cette liberté, du coup, montrerait qu'elle est une inadaptée. Et qu'elle a besoin d'aide pour ne pas exercer cette activité. Donc, on est dans une ambiguïté. Qui, si on réfléchit de manière très intellectuelle, peut paraître contradictoire, mais qui néanmoins ne fait pas des prostituées des délinquantes, fait d'elles des personnes qui peuvent avoir besoin d'une aide, et donc on prévoit des structures de travail social pour les aider au besoin si elles estiment qu'elles ont besoin d'aide, et donc je pense que c'est un des moins mauvais systèmes. Et aussi, c'est un des systèmes qui ne les étiquette pas durablement comme des prostituées, ce que ferait un statut professionnel reconnu. Hein, avec la difficulté, si on veut changer de boulot, de dire « vous avez fait quoi pendant 10 ans ?» ça donne au moins la possibilité aux gens de mentir sur ce qu'elles ont fait, et d'être discrètes sur ce qu'elles ont fait. Ce que ne permettrait pas un statut officiel, parce que précisément, il serait officiel. En revanche, là... Pardon. Par rapport au statut officiel, est-ce qu'il y a... à la télé, tantôt il y a des associations de prostituées qui revendiquent justement un statut social et justement qui fait partie du mouvement abolitionniste. Comment vous avoir un passage et comment vous positionnez, quels sont votre rapport avec ces associations, que ce soit un clash entre Oui, mais alors on connaît essentiellement le STRAS. Donc le principal, on va dire, et aussi plus médiatique, syndicat des travailleuses du sexe. Alors effectivement, ils ne portent pas dans leur cœur, je crois qu'il faut le dire. En revanche, c'est un peu délicat parce que très honnêtement, je pense qu'il n'existe pas de syndicat aussi peu représentatif d'une profession que celui-ci. Vraiment, je le crois. C'est-à-dire que je comprends évidemment qu'il y ait un militantisme et une revendication d'un statut social plus heureux. En revanche, le STRAS est quand même, enfin, en tout cas, il est constitué quand même essentiellement de prostituées transsexuelles, mais vraiment de manière, à 95%, ce qui pas en soi un problème, mais qui déjà n'est pas forcément très représentatif. Et c'est vrai que ils sont très militants. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on se positionne? On n'est pas d'accord. Voilà, globalement, on n'est pas d'accord. Ça ne nous empêche pas de dialoguer à l'occasion, évidemment. Mais c'est vrai que au final, on peut se rendre compte, quand on approfondit les relations avec les personnes, que le discours de la revendication du travail, d'une liberté, d'un féminisme, etc., c'est quasiment toujours le premier discours qui apparaît. C'est très rare que le premier discours, ce soit c'est horrible, c'est violent. C'est le boulot. La plupart du temps, c'est le boulot, quoi. Mais en revanche, ce qu'on constate, c'est que quand les relations s'approfondissent, le discours devient plus complexe, plus nuancé. Et des fois, c'est aussi des mécanismes d'autoprotection quand même, parce que c'est un fait. Il y a quand même un phénomène médical qu'on appelle la décorporalisation. Ça, c'est la thèse de Judith Trincard qui a travaillé sur le corps prostitué. Et en fait, la décorporalisation consiste essentiellement en deux dimensions, une dissociation psychique qui, en fait, vous savez, la plupart du temps, les personnes prostituées ont une identité... ont une double identité. Elles n'ont pas le même prénom, elles n'ont pas évidemment les mêmes tenues, etc. Surtout qu'elles ont souvent une vie de famille, donc c'est aussi une manière de bien dissocier les deux. Et en fait, ça s'accompagne aussi d'une anesthésie du corps. La plupart du temps, elles ont une résistance absolument incroyable à la douleur, enfin très supérieure à la moyenne. Et voilà, c'est-à-dire que peu à peu, le corps est anesthésié. L'usage des psychotropes, de la drogue et de l'alcool peut aussi aider à atteindre cette anesthésie du corps. Mais voilà, il y a quand même ce phénomène-là qui est très prégnant. Et je ne sais même plus pourquoi je parlais de ça. Désolée. Et bah non, vraiment, ça ne me revient pas. Désolée. Ah oui, ça y est. Je suis plutôt d'accord avec le fait de parler de drogue, etc. Parce que c'est pas une sorte de victimisation d'un groupe prostitué. Parce que, genre, c'était le site Rue 89 qui publiait une prostituée qui parlait justement de sa vie, que assistait entre d'un côté la prostituée victime, vraiment qui se droguait, qui était violée très jeune, d'un côté la prostituée de luxe, et qu'à côté il y avait la plupart. Qui se développait avec tous les réseaux internet et le téléphone, et justement c'était pas si dangereux que ça, parce que bon, il n'y avait pas le côté un peu mal, très bien, mais qu'il y avait un discours très victimaire et que c'était pas forcément le cas. Ah bah oui, ça j'entends bien, bien sûr, en tant qu'abolitionniste, c'est vrai que encore une fois, d'un point de vue juridique, on les considère comme des victimes. Après, il est clair et net que on n'est pas non plus on est des militants, mais on n'est pas une association, on n'est pas dans un quelconque jugement moral. Et à titre personnel, une des raisons pour lesquelles je participe très peu aux rencontres des personnes, c'est que je ne sais pas si je suis capable de ne pas les regarder comme des victimes. Du coup, je m'interdis d'en faire mon activité privilégiée dans l'association. Parce que, évidemment que ça peut apparaître comme une position paternaliste, comme une négation totale de l'autonomie de leur jugement. Mais, encore une fois, il y a aussi les faits. Les faits, c'est qu'une immense majorité des personnes qui sont dans la prostitution... Tout à l'heure, Jean-Mathieu disait qu'on ne rentre pas simplement dans la prostitution. Il ne suffit pas d'être pauvre pour entrer dans la prostitution, sinon, ce serait pire métier invisible. Il y a toujours un parcours de vie, des facteurs de basculement qui sont extrêmement complexes, mais parmi ces facteurs de basculement, il y a aussi un passé violent, sexuellement. Donc, il ne s'agit pas évidemment de les réduire à des victimes. Et je pense que ça explique aussi, des fois, l'image que peut avoir l'abolitionnisme. Encore une fois, dans un monde très paternaliste, voire moraliste, et je crois que c'est une erreur, c'est une image faussée, mais en même temps, si on veut prendre... Parce que nous, en fait, on traite aussi avant tout des histoires de vie, des parcours d'individus. Le fait est que c'est quand même des parcours de vie qui sont jalonnés par une violence. Donc c'est un petit peu difficile de faire abstraction du fait que souvent il y a eu de l'inceste, souvent il y a eu des viols à répétition avant, qui à un moment donné ont conduit... Ah, ça, là, c'est vrai que c'est pas une loi, hein. Évidemment, il n'y a rien de général. Une victime de viol ne va pas systématiquement basculer, on est bien d'accord. Donc, voilà, j'entends parfaitement ce que vous dites sur cette dérive victimaire. Moi, quand je parle de victime, je parle essentiellement de victime d'un point de vue juridique. Vraiment. J'essaie de me concentrer là-dessus. Pour justement éviter cette dérive. C'est-à-dire, déjà victime de proxénétisme, victimes de violences, parce que, enfin, là aussi, il ne faut pas se leurrer, les prostituées sont souvent une des catégories les plus violées. Ce n'est pas parce qu'on est prostituée qu'on ne peut pas se faire violer, et souvent, elles sont... voilà, donc ça, c'est d'ailleurs un des éléments de recommandation de la mission, du rapport d'information de la mission parlementaire en 2011. Il y avait plusieurs choses très importantes, mais il y avait aussi une proposition qui consistait à améliorer l'indemnisation intégrale des préjudices subis par les victimes, alors, avec évidemment notamment les victimes de la traite. Il y a aussi tout un axe, et ça paraît fondamental, qui consiste justement à cesser d'utiliser la prostitution, enfin le droit sur la prostitution comme une arme contre l'immigration, avec notamment, et ça c'était inespéré qu'il le propose, c'est pas juste que ça passe, cesser de subordonner la régularisation des personnes à la dénonciation des proxénètes. Parce que c'est quand même extrêmement problématique. Donc voilà, il y a quand même tout un tas de... Sur la question du statut, je pense qu'une des limites de cette revendication, c'est que ça apporterait sans doute un ensemble d'avantages et de bénéfices à un certain nombre de prostituées, mais essentiellement celles qui se reconnaissent comme telles, qui exercent cette activité sur un mode régulier, qui se reconnaissent dans cette identité, qui sont prêtes à l'afficher au grand jour. Je suis absolument pas certain que ce soit la majorité des prostituées. C'est-à-dire qu'on est dans une société où la prostitution est une activité qui est, on va dire, stigmatisée, sur un mode plus ou moins compassionnel ou moralisateur. Et les prostituées font partie de cette société. Elles ont aussi intériorisé cette idée que l'activité qu'elles exercent, elles feraient mieux de faire autre chose, que c'est pas bien, qu'elles devraient avoir honte. Bon, et beaucoup ne sont pas du tout prêtes à aller voir l'URSSAF ou je ne sais quelle institution pour dire « ce statut existe, donnez-le-moi ». D'ailleurs, il existe d'une certaine manière auprès de l'URSSAF. Il y a possibilité pour les prostituées de se faire reconnaître comme telle, une catégorie qui est dans laquelle elles peuvent se retrouver. Elles sont extrêmement minoritaires, celles qui font le pas. Donc il y a cet aspect-là que la stigmatisation, elles l'ont elles-mêmes intériorisée pour une grande partie d'entre elles. Elles n'ont pas du tout envie de se retrouver avec une nouvelle fois une grosse étiquette prostituée dans le dos. Et puis également, il y a le fait que c'est une activité qui est exercée de manière souvent irrégulière en fonction des aléas de l'existence et des flux et des reflux d'argent. Et je ne pense pas que quelqu'un qui se retrouve à la rue un soir va aller frapper à la porte d'une maison close, par exemple, si sous le Stras propose des maisons closes autogérées, même autogérées, pour disant j'ai besoin d'argent pour me payer à manger ce soir et une chambre d'hôtel. Non, la même personne va se retrouver sur le trottoir et bon, on va créer de fait. C'est déjà ce qui existe, mais cette idée qui a été évoquée tout à l'heure de la dualisation d'une prostitution à deux vitesses se retrouvera d'une certaine manière institutionnalisée. Donc je ne pense pas que... Alors que les revendications, par contre, d'une meilleure protection sociale, elles sont tout à fait légitimes. C'est-à-dire, mais ce n'est pas simplement le problème que les prostituées n'aient pas droit à la sécurité sociale ou à des retraites décentes, c'est que n'importe qui dans notre société, qui est quand même, globalement, on est quand même dans un pays riche, que n'importe qui, les prostituées comme d'autres populations précaires, se retrouvent sans protection sociale. Et c'est pas en tant que prostituée, en tant que quoi que ce soit, c'est en tant qu'être humain qui a des besoins élémentaires à satisfaire que la protection sociale contre la maladie, contre la vieillesse, contre les aléas de l'existence, ça devrait être garanti. Et puis juste un petit détail sur le Stras, je sais que c'est une manière souvent de le stigmatiser, je suis pas du tout un défenseur du Stras, mais c'est pas tout à fait vrai, en tout cas sur les dernières années, que ça n'intègre que ses seuls membres soient des transsexuels. Non, je parlais des 8 principaux membres. Oui, mais même des Morgane Merteuil ou Tiffaine Bénard ne sont pas des transsexuels et... Non, mais c'est pas aussi ça. Oui, bien sûr. C'était sur le ton de la blague, en fait. que là, nous parlons d'un problème, disons, éternel, mais qu'il apparaît beaucoup plus clair de nos jours, parce qu'on en parle justement avec cette loi du rappelage passif, par exemple, mais que, en fait, le problème, il est politique, parce qu'on particularise en quelque sorte un problème qui pourrait apparaître plus comme, par exemple, un problème de pauvreté ou un problème et qu'en fait, il y a une grande hétérogénéité dans les avis, dans les parcours des prostituées, par exemple, ou dans la vision qu'on peut en avoir. Il y a des fois. Et du coup, en fait, il n'y a pas d'unité par rapport à un problème comme ça. Donc, en fait, quelle serait une sorte de solution, une alternative entre deux idées, parce qu'à la fois c'est une activité stigmatisée mais qui est toujours présente. Comment faire, est-ce que c'est en particularisant ce problème qu'on peut résoudre ça? Parce que je pense aux lois, à des lois très particularistes comme ça, comme sur la burqa par exemple, ou des choses comme ça. Est-ce que c'est de cette manière-là qu'on peut. Parce que justement, c'est un problème, je ne sais plus ce que vous disiez à l'instant, un problème social beaucoup plus large, quoi, en fait, et qui englobe beaucoup de choses. Donc est-ce que c'est en disant particulièrement. S'attaquant particulièrement à tel problème précis, est-ce que c'est comme ça que ça pourrait être réglé? Est-ce que c'est pas une question large? Moi, ça va être assez rapide. Je pense que ça ne pourra. Pour nous, régler le problème, ce serait évidemment de voir disparaître cette situation où des femmes ou des hommes sont acculés par des nécessités économiques et où finalement, à un moment donné, les contraintes sont telles que. Donc, si ça, c'est la soupe, voilà. Si on juge ça, moi, je pense que ça ne pourrait être résolu qu'à un niveau extrêmement global. C'est-à-dire que ça, c'est une forme de marginalisation sociale, c'est une forme de paupérisation. Je ne vois pas comment le résoudre si on ne passe pas par, avant tout, un travail de fond économique et social, et politique aussi. Je pense que tant que par... Enfin, c'est une vision personnelle. Déjà, je pense qu'aucune solution un peu rationnelle sur la question, pas rationnelle, raisonnable, ne pourra être abordée tant qu'il n'y aura pas la parité à l'Assemblée nationale, déjà. Vraiment, j'en suis convaincue. À titre personnel, je pense que c'est une problématique qui est quand même aussi liée à la domination des femmes, et que c'est un peu problématique pour le coup le législateur ne puisse pas prendre en compte cette dimension-là. Je ne dis pas que ça serait forcément mieux, je dis juste que ça me paraît très nécessaire. Donc oui, moi je pense que c'est d'abord la lutte contre la paupérisation. C'est une forme dont la marginalité est particulière. Et puis évidemment, après, ça pose le problème, et j'ai pas du tout de solution, du statut, de la cible. La prostitution est complètement interdite, c'est essentiellement son influence des femmes. Ah non? Si vous pensez au régime prohibitionniste. Vous avez évoqué plusieurs États aux États-Unis, oui. La Chine, oui. Pas, oui. Non, mais quand je dis. Pour moi, le prohibitionnisme, ça veut pas dire résoudre le problème, en fait. Peut-être que. Il faudrait qu'il y ait plus de femmes pour qu'éventuellement les choses évoluent. Le gouvernement. Et je pose la question à l'envers. Dans les États où justement l'abolitionnisme est total, c'est quand même pas le fait d'une place importante. Oui, mais quand c'est interdit, comme en Chine, c'est pas de l'abolitionnisme, c'est vraiment du prohibitionnisme, c'est-à-dire que tout le monde est criminel. Non, en fait, c'était juste. Si vous voulez, c'était juste manière de répondre. Pour moi, c'est un problème global qui doit s'insérer dans à la fois une évolution politique et une évolution sociale, une évolution économique et une lutte solide contre la paupérisation, il me semble. C'est quand même un problème très paradoxal. Tout ce qu'on a dit depuis le début est paradoxal, en fait. Les gens se cachent, mais tout le monde y va quand même. C'est que des choses comme ça, elles sont stigmatisées, mais elles ont des droits qu'il faudrait défendre, comme de sécurité sociale, etc. Donc en fait, tout est paradoxal. Donc, du coup, ça semble. On dit que c'est le plus vieux métier du monde, mais dans ce cas-là, est-ce qu'il faudrait carrément tout changer de mentalité? Est-ce que je peux compléter ce qu'elle est en train de dire? Parce que moi, je travaille sur un quartier à Lisbonne où justement il y avait beaucoup de prostituées et qui ont en fait été à l'origine d'une partie de la culture portugaise, c'est-à-dire la naissance du fado. Le fado est devenu, l'année dernière, je crois, a été classé au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et automatiquement, la ville, justement, pour valoriser et se valoriser auprès des autres villes, a créé un tas de musées à la gloire des prostituées qui ont chanté le fado. Ça va complètement dans ce qu'elle dit sur le côté paradoxal des sociétés urbaines ou autres, qui d'un côté effectivement semble avoir un problème avec la prostitution, on va dire réelle, et d'un autre côté traîne dans la littérature, dans leur histoire, dans leur culture, donc c'est pas seulement de la sociologie, etc., mais traîne des images presque héroïques de la prostitution. Oui. Je dirais la nuance que j'apporterais à ce que vous dites, c'est que la prostitution qui est ainsi valorisée, c'est la prostitution d'il y a un siècle, c'est la prostitution muséifiée. Je ne suis pas sûr que dans le quartier que vous décrivez de Lisbonne, les prostituées d'aujourd'hui, de 2012, qu'elles chantent ou pas le fado, on les accepte très bien. Donc, je dirais, c'est une image de la prostitution qui est révolue, qui est maintenant muséifiée, qui peut être un argument touristique, qui est valorisé, mais c'est pas celle qui s'exerce ici et maintenant. Alors, par rapport à la question, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, c'est-à-dire c'est un problème global qui est d'autant plus complexe à gérer, qui se trouve à l'entrecroisement d'une multiplicité de rapports de domination, qui sont des rapports économiques. C'est très clairement des gens de milieux modestes, voire qui relèvent de l'exclusion, qui se retrouvent dans cette activité. C'est une question de domination de genre, de rapport homme-femme. Et ça s'entrecroise, c'est-à-dire les clients sont dans leur écrasante majorité des hommes, et leur quasi-totalité des hommes, et la grande majorité sont des femmes. Donc c'est quand même pas anodin, mais je dirais que ça s'entrecroise avec la question économique. C'est dans nos sociétés, les femmes sont les premières victimes de la pauvreté. Donc tout ça se cumule. Et donc l'idée de mesures politiques particularistes, bah, précisément, je pense que c'est pas efficace, parce qu'il s'agit d'avoir une vision globale, et que c'est pas en traitant très ponctuellement ce qui relève d'un symptôme de logique économique et sociale et politique beaucoup plus vaste qu'on va y porter remède. Donc effectivement, combattre la domination masculine, c'est un enjeu extrêmement important. Alors, je suis d'accord que la parité, effectivement, davantage de femmes aurait des effets sur la manière dont on conçoit les politiques publiques dans notre pays, mais je dirais qu'il faudrait une autre parité qui soit une autre forme de parité, qui serait davantage de diversité sociale à l'intérieur de la représentation politique. C'est-à-dire, si on regarde le recrutement social, économique de notre personnel politique, on voit quand même le pourcentage d'ouvriers à l'Assemblée nationale. Bon, c'est peanuts, hein, ils sont trois. Donc ça se joue aussi dans ces dimensions-là. Et c'est pour ça que j'évoquais la sécurité sociale ou des choses comme ça. C'est l'idée que des personnes ne se trouvent pas en situation de précarité telle qu'elle n'ait d'autre choix que la prostitution. Il n'y a pas forcément besoin d'un méchant proxénète qui leur cogne dessus pour les mettre sur le trottoir. C'est-à-dire, les structures économiques et sociales de nos sociétés le font ça aussi bien. Hein, quand on voit le marché de l'emploi, des emplois peu qualifiés pour les femmes aujourd'hui, c'est quand même pas terrible. Donc je dirais qu'il y a un entrecroisement de domination qui produisent la prostitution. Et puis alors, je vais donner un exemple aussi pour montrer la complexité aussi de ce phénomène. C'est-à-dire que les personnes ne sont pas que des prostituées, y compris lorsqu'elles le sont aussi. Au milieu des années 90, à Lyon, on s'est aperçu qu'il y avait tout un tas de prostituées qui avaient disparu. Est-ce qu'elles étaient parties? Non. Est-ce qu'elles étaient mortes? Non. Parce qu'on avait des nouvelles, etc. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, elles avaient arrêté de tapiner. Alors, d'une certaine manière, victoire, on a découvert qu'elles étaient toutes dans des programmes méthadone. C'est-à-dire que c'était des héroïnomanes qui se prostituaient pour se payer leur drogue. Et là, avec les programmes méthadone, elles n'avaient plus besoin de payer, parce que c'était la santé publique qui leur fournissait un produit de substitution. Donc, elles n'avaient plus besoin de se prostituer. Donc, on avait résolu d'une certaine manière la prostitution de ces personnes-là en agissant sur autre chose que la prostitution, qui était la toxicomanie. Alors, puis, toutes les prostituées ne sont pas toxicomanes. Je ne dis pas que la méthadone, c'est une panacée. Néanmoins, c'était révélateur de la complexité du phénomène et qu'en ayant le nez collé sur la dimension prostitution, on méconnaissait tout ce qu'il y a autour, tous les problèmes qu'il y a autour. Moi, j'aurais deux questions. D'une part, sur est-ce que vous avez des chiffres expliquant d'un pays à l'autre les facteurs, on va dire, un peu structurels, les facteurs généraux qui sont favorables à la prostitution, notamment les taux de pauvreté, des choses comme ça. Bah, c'est vraiment... Et une autre question assez différente, c'est sur la présence des prostituées en ville. Est-ce que ça donne lieu à une forme de concurrence, de lutte pour certaines places, certaines positions plus favorables que d'autres pour attirer des clients, etc. Est-ce qu'il y a des stratégies aussi à ce niveau-là? Est-ce qu'il y en a qui contrôlent des secteurs? Comment une sorte de géopolitique locale de la prostitution, comment ça se passe? Je me permets d'ajouter une question qui vient sur l'objet, c'est quel est le rapport des prostituées à l'espace public? Comment elles se l'approprient? Est-ce qu'elles se l'approprient ou pas? Est-ce que, tout comme leur corps, elles en font deux espaces publics bien distincts, entre l'espace public qu'elles vivent en dehors de leur exercice de la prostitution si elles habitent à côté? Qu'est-ce qu'elles y font? Est-ce qu'elles... comment elles se le représentent? Est-ce que pour leur activité, c'est un élément, un outil de leur activité par rapport à celles aussi qui sont visibles, qui sont sur l'espace public, et puis celles qui le sont un peu moins dans les camionnettes, et puis celles qui ne le sont pas ou plus sur un espace public plus virtuel? Alors, je réponds après, mais enfin, le peu que je sais là-dessus, c'est parce que je l'ai lu, j'ai dit en Mathieu, donc je vais me permettre quand même de lui laisser la parole. Non, par rapport à la première question, j'ai pas connaissance de travaux qui mettraient véritablement en lien on va dire les effectifs des prostituées ou les formes de prostitution et le niveau de richesse des pays. Bon, il y a de toute évidence une corrélation, mais je dirais toute tentative de quantification de la prostitution est un peu vaine s'agissant d'une activité soit informelle comme en France, soit clandestine lorsque dans les pays où elle est réprimée. Donc ça présente des difficultés de quantification extrêmement complexes. Par rapport à l'espace public, alors effectivement, il y a une géopolitique des trottoirs, c'est-à-dire qu'il y a des luttes qui sont souvent féroces entre les prostituées pour l'appropriation des meilleurs emplacements ou pour conserver la maîtrise, une forme de propriété sur certains emplacements. Hein, donc ça donne lieu, alors quand par exemple il y a une nouvelle qui arrive sur une zone, toutes les anciennes viennent pour lui casser la figure et la faire partir. Bon, alors si l'autre se révèle plus forte, ou si elle a des appuis, on va dire, quelqu'un qui est costaud ou qui est armé, qui peut faire valoir sa puissance, ça se règle comme ça, ou alors il y a des formes, entre guillemets, de négociation, c'est-à-dire cet emplacement est ma propriété, j'y viens de telle heure à telle heure, donc tu peux venir quand je suis pas là, par contre c'est mon emplacement, donc tu me payes un loyer. C'est-à-dire qu'il y a aussi des formes de racket et de proxénétisme entre prostituées. Hein. Pour ça que c'est toujours l'image de la prostituée victime, quand on connaît un peu les gens de près, on se dit qu'ils sont victimes, oui, de beaucoup de choses, mais sont aussi parfois... bon. C'est presque la privatisation de l'espace public. Oui, oui. prostitution, et les prostituées disaient qu'elles gagnaient très bien leur vie, donc c'était une paupérisation. C'était presque, si vous voulez entendre, une promotion de la prostitution. Alors que c'est pas ça, je veux dire que c'est une souffrance morale, mais bon. Mais c'était surprenant de faire l'apologie de la prostitution d'une certaine façon. Oui, alors ça c'est un autre point. Il y en a qui gagnent bien leur vie, on va dire, qui trouvent leur compte, je dirais. Alors après, le discours dans les médias, lorsqu'il s'agit de donner une image de soi positive, on peut aussi exagérer un peu sur ses revenus. Et les prostituées entre elles ne s'en privent pas pour vexer celles de la rue d'à côté, on va dire, ah, j'ai fait tant de clients, toi t'as fait qu'un. Bon, on est aussi dans ces concurrences-là. Alors pour revenir à la question de l'espace public, c'est vrai que c'est toujours complexe pour elle, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup qui habitent à distance, notamment qui habitent dans d'autres villes que la ville où elle se prostitue. Il y a aussi des gens qui sont en situation de forte désaffiliation, qui n'ont de sociabilité, qui ne se retrouvent sur les lieux de prostitution qu'avec leurs consoeurs et confrères, qui ne sortent que la nuit, notamment les transsexuels. Hein, formule, moi, en journée, je passe mal. C'est-à-dire qu'il y a aussi, la transformation n'est pas complète, on voit qu'il y a une forme d'étrangeté, et du coup les personnes réduisent leur existence au seul moment où leur présence dans l'espace public est en quelque sorte tolérée, parce qu'elles sont, elles ont un statut qui correspond, c'est celui de prostituée. Mais ce qui était très intéressant quand j'ai rejoint le mouvement du Nice, c'est que ce que j'avais effectivement pu lire sur les logiques, les stratégies concurrentielles, se vérifie ensuite au cas par cas, c'est-à-dire c'est toujours très complexe pour les membres du Nid, parce que quand elles connaissent bien les personnes, une telle a dit ça sur l'autre, il ne faut surtout pas qu'elle la prenne, parce qu'effectivement, il y a des guerres, des fois ça va être des guerres, c'est vrai que quand même souvent la dernière arrivée, si en plus elle est jeune, si en plus elle est étrangère, il y a du mauvais temps qui va arriver pour elle, parce qu'il y a effectivement des coalitions qui peuvent se former, ouais. Effectivement, c'est assez intriguant. Et sur l'espace public, moi, je n'aurais pas encore grand-chose à dire, mais ce qui est pareil, Tours, j'ai l'impression en fait que c'est vraiment une ville un peu à part de ce point de vue, parce que la majorité des personnes qui travaillent dans le quartier prostitutionnel de la cathédrale et du centre y vivent aussi. Et j'ai pas le sentiment. Enfin, il y en a évidemment qui habitent ailleurs. Il y en a par exemple deux qui vivent à l'extérieur en fait, et qui vivent 3 mois de l'année à Paris, par exemple, et qui ensuite viennent travailler pendant 3 mois à Tours, puis retournent à Paris. Voilà. Mais il y a plusieurs visages, mais elles doivent quand même pas avoir exactement le même espace public que nous. Je veux dire, notamment quand c'est la prostitution de nuit. C'est quelque chose quand même de s'approprier cet espace-là quand il est vide. Oui. Oui, au square. Oui. Mais j'ai remarqué, enfin, il y a 3 ans, et il y a 2 ans, on voyait encore ça. Mais là, il n'y en a plus, enfin, je pense. Ah. Enfin, je me rappelle, vraiment, c'était du dans un journal. Enfin, de mon époque, j'ai l'impression que ça me parle pas mal. Et j'avais lu, c'était cet été ou l'été dernier, dans un journal à Tours, c'était pas une république. C'était, il dit que les prostituées avaient justement du mal à trouver une difficulté économique à Tours, enfin les anciennes, les habitations de ce quartier. Enfin, je sais pas ce que. Enfin, du côté du nom du square qui est pas très loin de chez moi, il y a beaucoup. Oui, les loyers sont plus chers. Il y a beaucoup de déménagements, par exemple. Parmi les multiples choses que fait le Nid, il déménage beaucoup de personnes. Il y a vraiment, vraiment, vraiment pas mal de gens qui, effectivement, vont plus vers les quartiers périphériques. Mais ça reste quand même vraiment un quartier fortement prostitutionnel. Voilà. Ah, juste ce petit carré-là, oui. Oui, ça c'est possible sur le petit square, notamment aussi parce que la police y passe souvent, même s'ils sont pas très... Enfin, s'ils sont plutôt cool. Ils y passent beaucoup, beaucoup dans ce quartier. Et ça pourrait peut-être aussi être une des explications. Honnêtement, je ne le sais pas, si ce n'est que d'abord c'est un des centres historiques de Tours. Et puis surtout, voilà, je sais qu'initialement il y a eu cette entre guillemets délocalisation de la gare vers le quartier directement le plus proche et qui était le centre-ville. Donc ça correspond exactement au quartier de la cathédrale. Voilà. Mais après. On peut mettre des hypothèses. Oui, voilà. Allez-y. Enfin, ça peut être une balade géographique commerciale, hein, géographie du commerce où on étudie l'accessibilité, un certain nombre de critères comme ça. Ouais. Pas mal d'hôtels aussi dans le quartier de la gare. Pas mal d'hôtels dans le quartier de la gare. C'est le quartier des murs, enfin, le quartier des petites ruelles. Plein de ruelles, avec des sens uniques, donc en voiture, c'est assez accessible aussi. Puis finalement, il y a assez peu de riverains quand même. Assez peu. Parce que la rue, là où il y a le conservatoire, oui, etc. Oui, c'est un conservatoire, studio, et puis un mur. C'est pas un quartier résidentiel tant que ça, en fait. Comment ? Il y a le diocèse. Oui, il y a le diocèse. Mais ça vous paraît... ça peut paraître étonnant, mais il y a des personnes qui nous disent être contentes de résider dans ce quartier, aussi parce que c'est un quartier religieux. Il y a quand même un paquet de personnes qui... Cette ambiguïté là. Elles ont souvent une spiritualité, c'est assez étonnant. Moi, je m'attendais pas du tout à ça. Souvent, très très forte spiritualité et très pratique. Quand elles sont croyantes, elles sont très pratiquantes. En tout cas, à Tours, c'est au contraire. Et je me demandais par rapport à la localisation dans la ville de Tours, est-ce que avant les zones de prostitution s'y situaient pas plutôt vers la place Primero, vraiment le cœur de la ville, bien avant la construction du quartier des Sanitas par exemple? Je pensais que, enfin, moi on m'a appris, c'est ce qu'on m'a dit, que le quartier Primero était avant totalement délabré et que c'était justement des logements très peu chers. Il y a des choses un peu comme à Lyon, en fait, hein, sur le bord de Rhône, ça se développe aussi pas mal. Peut-être que, là, si, je ne sais pas si on peut parler de gentrification pour le quartier Plumereau, mais je pense que c'est ce qui s'est passé dans les années 70, non, enfin, le quartier du Sanitas, c'est... Mais, pour aller un petit peu encore dans la question, c'est est-ce que le quartier populaire, c'est forcément... ça s'y prête mieux, ou est-ce qu'il y a pas aussi, parce que c'est souvent aussi des quartiers un peu faubourgs, qui sont en proximité des gares, etc. Alors ça, Plumereau, c'est pas trop le cas. Et je suis pas sûr qu'à Plumereau, il y a eu une activité de prostitution, aussi pour ces raisons-là. Et puis, oui, donc ça c'est une question que j'en aurai d'autres juste après. Bah, par exemple, j'habite rue du Petit Soleil, et je crois que le bar du Petit Soleil, il y avait une maison close aussi dans le jardin vers juste avant les tours vers la ville. Je voulais revenir un petit peu à la problématique hôtel. Vous avez vaguement abordé de ça au début de la soirée, de la privatisation de la prostitution. En disant qu'il y avait des personnes qui le faisaient à prendre chez elles et tout ça, mais qu'il y a aussi des hôtels qui, laissaient une certaine liberté à des clients potentiels. Est-ce que vous avez des éléments là-dessus? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se fait? Est-ce que les agents, la force publique sont au courant, sont aguerris à ça ou sont informés sur cette hypothèse. En tout état de cause, de toute façon, ce seront nécessairement les forces publiques qui peuvent s'occuper de ce genre de questions. Ma maman s'est posé la question pour nous en tant que... On peut imaginer... Voilà, on est 12 bénévoles, 12 à 15 bénévoles, plein de bonne volonté, mais... voilà, et en fait, on a effectivement repéré un nouvel hôtel. On a repéré un nouvel hôtel où voilà, il nous est paru absolument évident qu'en fait, on avait suffisamment d'éléments pour savoir qu'en fait, c'était un hôtel de place. Et on se pose la question de... qu'est-ce qu'on fait ? Enfin, on a cette information, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce que... jusqu'où est notre rôle exactement ? Et puis en fait, de manière informelle, à l'occasion d'une rencontre, c'était le 25 novembre, la journée de lutte contre les violences faites aux femmes, on a discuté en fait avec des agents de la police et discrètement on les a orientés sur cette question-là. Et en fait, oui, ils savent. Disons que s'ils traitent sérieusement de la question du proxénétisme, ils ont les infos. Ils les ont. En tout cas, apparemment, c'est pas de toute façon à nous de le faire. Voilà. Mais après. Mais du fait qu'ils donnent une fonction de surveillance publique, automatiquement, ils sont aguerris. En tout cas, c'est sûr que des associations comme les nôtres ne le sont pas. Alors, malheureusement, on va être escalés. Il y a personne qui commence à partir. Éventuellement, si vous avez quelque chose à rajouter pour clore la discussion, sinon, si ce n'est pas le cas, évidemment, on reste encore un petit peu de temps dans cette salle. Si vous souhaitez boire un verre, on vous l'offre bien gracieusement. Et vous voulez rajouter quelque chose ? Voilà, n'hésitez pas à discuter. J'ai dit beaucoup de choses, puis on peut continuer la discussion, effectivement. Merci en tout cas. Merci de votre attention.